السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم مرة أخرى. Nous sommes toujours avec les règles du jeûne. Les règles du jeûne, on va étudier aujourd'hui, بإذن الله سبحانه وتعالى, qui a rapport avec le jeûne surérogatoire. Qui a rapport avec le jeûne surérogatoire. Avant cela, je n'oublierai pas de dire, en ce qui concerne ce que j'ai dit la fois passée, en ce qui concerne, parce qu'on parlait du règle, du jeûne obligatoire. Je voulais dire qu'il y a aussi une règle qui dit que quiconque mange ou la annule son jour pour une cause valable. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, il refait seulement le jour. Il refait seulement le jour et il peut manger et boire toute la journée s'il le fait pour une raison valable. Par exemple, le médecin lui a dit, il faut que tu boives. Il faut que tu boives, par exemple, ce sirop. Celui-là, lorsqu'il boira le sirop, il a annulé son jour. Donc celui-là, il peut continuer à manger et boire toute la journée. Et ensuite, il doit, bi'idhnillahi ta'ala, rattraper le jour. Si c'est du genre, quelqu'un qui peut rattraper. S'il ne peut pas rattraper, il a une maladie chronique. Celui-là, on l'a dit déjà, il fait manger quelqu'un, il fait nourrir. Mais si quelqu'un peut rattraper, il doit rattraper, c'est la règle. Donc la règle, c'est que quand quelqu'un annule son jour pour une raison valable, il peut manger toute la journée et il rattrape le jour. Mais s'il annule son jeûne avec quelque chose qui n'est pas valable, celui-là, il doit continuer à jeûner et il rattrape le jour. Et plus il a les péchés. Non. Si quelqu'un, par exemple, a fait quelque chose qui est interdit, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de la chose interdite, ensuite il continue à jeûner. Il dit par là, j'ai mangé. Non. Tu termines le jour, tu arrêtes de la chose, tu as mangé ou là tu arrêtes et tu termines le jour, tu as les péchés et tu rattrapes le jour. Donc voilà la règle, la différence entre celui qui annule avec des raisons valables, il continue à manger, il rattrape le jour. Celui qui a annulé sans raison valable, il doit s'arrêter de la chose à dire et il doit jeûner le jour à et il doit le rattraper et il a les péchés à cause de l'annulation qui était interdite. Naam. Maintenant, on va commencer, inshallah ta'ala, par quels sont les jours, les meilleurs jours, où il est demandé, il est conseillé aux musulmans de faire le siyam. Vous connaissez, il y a le lundi et le jeudi de chaque mois. Le lundi et le jeudi, il est conseillé aux musulmans, s'il peut bien sûr, de les jeûner, même si ce n'est pas tout le temps. Au moins de temps en temps. An Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam su'ila an sawmi yawm al-ithnayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait posé la question, yani pourquoi tu jeûnes le lundi et le jeudi. Il a répondu, qala dhalika yawmun wulidtu fih, yani c'est le jour où je suis né. C'est le jour, pardon, ils ont posé la question sur le lundi d'abord. Il a dit, ça c'est le jour où je suis né. Je suis né un lundi. Wa yawma bu'it. Et c'est le jour où je suis devenu messager. Hein? la première fois où Jibril alayhi salam est venu m'apprendre que je suis un prophète, c'était un lundi aussi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le lundi. C'est l'une des raisons. Il y a d'autres raisons, inshallah ta'ala. Wa an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu'radu al-a'mal yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Chaque lundi et chaque jeudi, tout ce qu'on fait pendant la semaine, chaque lundi et chaque jeudi, il y a des anges qui montrent ces choses-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla les connaît, mais il y a des anges, c'est ça leur travail. Comme certains, par exemple, les responsables, qui font quoi? Ils doivent faire des rapports. Un rapport chaque mois, là, chaque semaine, ou là. C'est la même chose ici. Chaque lundi, chaque jeudi, ils doivent dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils doivent montrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, sait que, il les connaît. Donc, il a répondu, فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Donc puisque les actions sont montrées à Allah subhanahu wa ta'ala les lundis et les jeudis, j'aime que mes actions, quand Allah subhanahu wa ta'ala les voit, en même temps je suis en plein siyam. Naam, quand quelqu'un voit tes actions en même temps, yani en même temps tu es en train de faire une adoration qu'il aime, هذا أحرى أن يغفر لك, yani tu es plus voué à ce qu'il te pardonne. Naam. Imaginez, quelqu'un, on fait un rapport de lui, et au moment où on fait le rapport de lui, hein, il est en plein péché. Il est saoul. Et on a fait un rapport de lui. Et quelqu'un, on fait un rapport de lui, il est en pleine prosternation, il est en pleine adoration. Celui qui est dans l'adoration, il est plus voué à ce qu'on lui pardonne que l'autre, bien sûr. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith sahih, tous les hadiths sont sahih, tous les hadiths sont authentiques, c'est pour ça que je me facilite la tâche pour ne pas me répéter à chaque fois que c'est authentique. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi wa sallam kana yasum al-ithnain wal-khamis, jeûne le lundi et le jeudi. Fa qila ya rasulullah innaka tasum al-ithnain wal-khamis, on a dit au prophète tu jeûnes le lundi et le jeudi. Fa qala, il a répondu, inna yawm al-ithnain wal-khamis, voilà une autre cause aussi, le lundi et le jeudi, yaghfiru Allah fihima li kulli muslim. Naam, chaque lundi, chaque jeudi, Allah azza wa jalla pardonne à chaque musulman. Chaque musulman, Allah azza wa jalla lui pardonne le lundi et le jeudi, illa sauf, il y a ici une exception, illa muhtajirain, sauf s'il y a deux personnes qui ne se parlent pas. Deux musulmans qui ne se parlent pas. Yaqul, Allah Azza wa Jalla dit, da'huma hatta yistaliha. Da'huma, laisse-les, il dit peut-être allonge, laisse-les jusqu'à ce qu'ils s'entendent. Yani, maintenant ils ont des problèmes, jusqu'à ce qu'ils se parlent. Laisse-les, ces deux-là, je ne leur pardonne pas jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. Les ulama ont dit, vous savez qu'il est interdit de ne pas parler à quelqu'un plus de 3 jours. Mais, il est possible qu'on ne parle pas à quelqu'un plus de 3 jours, 1 mois, 2 mois, 1 année, il est possible si c'est à cause d'une chose religieuse. Naam, ce qui est interdit, c'est à cause de ce bas monde. Tu ne parles pas avec quelqu'un à cause de l'argent, à cause qu'il n'a pas voulu te prêter la voiture, à cause que tu as demandé quelque chose, il n'a pas voulu. C'est interdit que tu ne lui parles pas plus de 3 jours. Si c'est quelque chose de religieux, tu peux ne pas lui parler jusqu'à ce que convertissent jusqu'à ce qu'ils fassent le repentir. Naam, quelqu'un par exemple a commencé à boire de l'alcool, etc., tu peux ne plus lui parler jusqu'à ce qu'il s'éloigne de l'alcool. Quelqu'un qui ne fait plus la prière, tu peux ne plus lui parler jusqu'à ce qu'il refasse la prière. Et ainsi, pourquoi ça, ce n'est pas à cause d'une tentation dans ton cœur que tu ne lui parles pas. C'est pas entre toi et lui. C'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala que je fais ça. C'est une question de religion. Parce que lui, Allah n'aime pas cette personne quand elle est avec ce péché. Bien sûr, c'est pas dans tous les cas, on commence par cela. Il y a d'autres choses. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé avec certains gens, comme vous le savez. Il n'a pas parlé 53 jours avec les 3 personnes, radiyallahu ta'ala anhum, qui se sont ils ne sont pas partis au djihad. Ka'b ibn Malik et les deux autres, il est resté 52 ou 53 jours sans leur parler. C'est ce hadith que se sont basés les ulama. Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, quand il a dit à son fils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'interdisez pas la mosquée à vos femmes, et que son fils Salem a dit moi je l'interdis à ma femme. Alors Abdullah ibn Omar lui a dit moi je te dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne faut pas interdire la mosquée à la femme, et toi tu me dis j'interdis la mosquée à la femme. Alors à partir d'aujourd'hui yani, c'est terminé entre nous. Le rapporteur a dit Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu n'a plus parlé à son fils jusqu'à sa mort. Naam. À cause de quoi? À cause d'un hadith. Je te dis, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, toi tu me dis, moi je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux, à partir d'aujourd'hui on ne se parle plus. Et il ne lui a plus parlé jusqu'à la mort. Sallallahu alayhi wa sallam, à mort, à cause du prophète, à cause d'un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez comment ils avaient la jalousie. Yani, l'ghayra al-din. غير على الدين نعم لا جالوزي واش تو دي كومسا تو tu veux يعني tu connais mieux que le prophète toi صلى الله عليه وسلم. Et surtout un père qui parle avec son fils, un père qui parle avec son fils. المهم يعني j'ai dit que ce n'est pas toujours on commence à ça s'appelle l'hajra, hein? Le prophète صلى الله عليه وسلم ne faisait pas sur يعني tout le temps l'hajra. L'hajra ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas moi je parle pas avec quelqu'un, c'est une fin en soi. Non, le Hajj ne parle pas avec quelqu'un dans le but qu'il fasse le repentir, dans le but qu'il yani, qu'il réfléchisse, qu'il se dise pourquoi les gens ne me parlent pas, je vais essayer de, yani, d'être mieux, etc. Donc c'est pas une fin en soi. C'est pour ça que comme on fait le Hajj, on peut faire aussi le ta'lif. Le ta'lif, c'est-à-dire le contraire. Il y a quelqu'un, hein, tu essayes de lui donner des choses, tu essayes de lui donner des cadeaux, tu essayes d'être bien avec lui, tu essayes de faire avec lui mille choses pour l'attirer. Maintenant, quand ça ne marche pas, le ta'lif, ça ne marche pas, yani, tu vas au tarhib. Tu as commencé par le tarhib, tu essaies de l'attirer, ça ne marche pas, tu vas à l'autre chose. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donnait aux kuffar, il leur donnait beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour les attirer. Il essaie de les attirer. Il a donné une fois Umayya ibn Khalaf, il lui a donné 100 chameaux. Vous savez qu'est-ce que c'est un chameau? Un chameau à l'époque, pour pouvoir avoir un chameau, c'est comme maintenant quelqu'un qui a une Mercedes à peu près. Il lui a donné combien? 100 chameaux. Ensuite, il lui a rajouté 100 chameaux. Ensuite, il lui a rajouté 100 chameaux, 300 chameaux. Vous savez c'est combien? Ça fait 300 chameaux. Naam, le hadith est sahih dans le Bukhari. 300 chameaux, pourquoi? Pour l'attirer, pour qu'il rentre en islam. Donc, des fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appliquait cette chose pour attirer. Des fois, quand ça ne marche pas, je ne parle pas avec quelqu'un. Si je vois que, car des fois, quand tu donnes de l'argent, etc., des fois, ça ne marche pas. Des fois, tu fais comme ça avec ton fils, etc. Ils disent quoi? Ils sont que tu es faible. Ils disent non, celui-là, il est faible. Alors maintenant, je vais te montrer avec l'autre chemin. Le chemin de ne pas parler, etc. Là, il y a un hadith sahih qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il sentait que quelqu'un, par exemple, a menti dans sa famille, il ne lui parlait plus jusqu'à ce qu'il sache qu'il avait fait un repentir. Naam. Hada, c'est en ce qui concerne le lundi et le jeudi. Ensuite, ce qui est bien aussi dans le jeûne, c'est yawmu yawm wa fitru yawm. Que quelqu'un fasse le jeûne un jour et mange un jour. Il fait le jour un jour, il mange un jour. An Abdillah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhumah, قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول عبد الله بن عمر بن العاص a dit on a dit au prophète صلى الله عليه وسلم que je disais quoi والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. Donc des gens ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر qui a juré que tant qu'il vivra il va faire le jeûne la journée et il ne va pas dormir la nuit, il va faire la prière la nuit. فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, c'est vrai ya Amr ce que tu as dit? Il a dit, naam, je l'ai dit. Allah, j'ai juré par Allah que je ferai le jeûne tous les jours, et que la nuit je ne dormirai jamais, je ferai toute la nuit la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِعُ ذَلِكَ. tu ne pourras pas faire cela. Fasum wa aftar. Mange et jeûne. Des fois mange, des fois tu jeûnes. Wa qum wa nam. Dors un peu, fais un peu la prière, fais un peu la prière, dors un peu, et comme ça. Wa sum min ash-shahri thalathati ayyam. Et jeûne 3 jours par mois. Chaque mois, jeûne 3 jours. Fa inna al-hasanata bi'ashri amsalha wa dhalika mithlu siyam ad-dar. Donc si tu jeûnes, je te conseille de jeûner 3 jours par mois, car si tu jeûnes 3 jours par mois, chaque jour Allah Azza wa Jalla t'écrira comme si tu avais jeûné 10, parce que chaque récompense c'est 10 fois plus. Donc toi tu jeûnes 3 jours, donc 3, Allah Azza wa Jalla t'écrira 30. Donc quand tu jeûnes 3 jours, c'est comme si tu avais jeûné tout le mois. Et si tu fais ainsi chaque mois, c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. Qu'a répondu Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu? Il a répondu: Inni utiqu afdal min dhalik. Ya Rasulullah, je peux plus que cela. Yani alhamdoulillah, je suis assez fort et je peux plus que cela. Yani pourquoi yani vais-je m'arrêter seulement à ce degré, alors que moi inshallah je peux plus que cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Fasum yawman wa aftir yawmayn. Alors puisque tu peux, jeûne un jour et mange deux jours. Jeûne un jour, mange deux jours. Tu jeûnes un jour, tu manges deux jours, et comme ça. Il a dit: Inni utiqu afdal min dhalik. Ya Rasulullah, je peux mieux que cela. Je peux mieux que cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Fasum yawman wa aftir yawman. Alors dans ce cas, jeûne un jour et mange un jour. Jeûne un jour, mange un jour. Fadalika siyamu Daoud alayhi salam. Ça c'est le siyam du messager Daoud alayhi salam. C'est lui qui faisait comme ça. Il jeûnait un jour, il mangeait un jour. Wa huwa afdalu siyam. Et c'est le meilleur des jeûnes. Il n'y a pas mieux que cela, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il n'y a pas mieux que cela. Donc tu manges un jour et tu jeûnes un jour. Sahabi radiyallahu ta'ala a répondu: Inni utiqu afdal min dhalik. Ya Rasulullah, je peux plus que cela. Je peux plus que cela. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam: La afdal min dhalik. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: La afdal, il n'y a pas mieux que cela. Dans le Bukhari ou Muslim, il n'y a pas mieux que cela. Si quelqu'un dit il y a mieux que cela, celui-là c'est un menteur, c'est pas possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Il n'y a pas mieux que un jour tu manges, un jour tu jeûnes. Il n'y a pas mieux. Qu'est-ce qu'il reste alors? Il reste tu jeûnes tous les jours. Il n'y a pas, il ne reste que ça. Il ne reste que cette forme. C'est de jeûner tous les jours. Et jeûner tous les jours est interdit, comme on le verra, inshallah ta'ala, dans l'autre chapitre, les jours interdits. Aujourd'hui, on voit les jours où il est possible de faire. Troisièmement, on avait dit premièrement lundi et jeudi. Deuxièmement, manger un jour, jeûner un jour. Troisièmement, thalathatu ayyam min kulli shahr. Jeûner 3 jours dans chaque mois. Jeûner 3 jours de chaque mois. Dans le hadith de Abi Dharr radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ida somta min ash-shahr thalathan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr: si tu jeûnes du mois, yani 3 jours, fasum, jeûne alors le 13e jour. Thalith ashra, arba ashrata, wa khamsa ashrata. Donc, si tu veux jeûner, il a dit à Abu Dharr, si tu veux jeûner, jeûne 3 jours de chaque mois. Jeûne le 13e jour, le 4e, le 14e jour, le 15e jour. Bien sûr, il parle des jours et des jours arabes. Hein? Parce que des fois, nous sommes le 13, par exemple, Ramadan, et dans l'autre mois, on est le 13, on est le 17 ou le 18 septembre, ou là, je ne sais pas quoi. Donc, il faut que ça soit du mois arabe et pas du mois chrétien. Il faut que ça soit du mois et des jours arabes. Naam. Il est aussi permis de ne pas faire spécialement le 13, 14, 15. Il est aussi permis que ça soit 3 jours du mois, que ça soit au début, que ça soit à la moitié, que ça soit à la fin. Le hadith, il y a quelqu'un qui a demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anhu, أكان عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاث أيام. Est-ce que le prophète صلى الله عليه وسلم jeûnait 3 jours de chaque mois? قالت نعم. Elle a dit oui. فقلت لها, donc lui a posé une question. Min ayi ayam shahr kana yasum. Quels sont les jours qu'il faisait hada? Quels sont les jours du mois? Parmi les mois, quels sont les jours? Elle a répondu: Lam yakun yubali min ayi ayam shahr yasum. Naam. Elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne donnait pas beaucoup d'importance à quels sont les jours exactement qu'il faisait. C'est pour ça que dans un autre hadith, il est dit du début à la moitié ou à la fin. Tout est valable. D'ailleurs, il est là même avec moi le hadith. Naam, il est là. Kana sawmu thalathat ayyam min awwal ash-shahr aw min wasatihi aw min akhirihi. Naam. Donc, conclusion, l'essentiel c'est quoi? C'est de jeûner chaque mois 3 jours si on peut. Que ça soit au début du mois, que ça soit au milieu, que ça soit à la fin. Et les meilleurs 3 jours ce sont celui qui peut les faire le 13, 14, 15. Donc on va yani dire que parmi les trois jours conseillés, il y a le 13, 14, 15 qui sont les meilleurs. Si tu peux pas 13, 14, 15, c'est-à-dire le milieu, tu peux faire 13 au début, pardon, 3 au début ou bien 3 à la fin. Surtout pour les femmes, des fois elles sont pas en état de jeûner, donc elles font les 3 débuts ou bien les 3 à la fin. Ou bien si elles peuvent, comme j'ai dit, le 13, 14, 15, ce sont les meilleurs jour bi-idhnillah subhanahu wa azzawajal. Ensuite, les ulama, beaucoup ont essayé de parler pourquoi exactement le 13, 14, 15. Pourquoi exactement? Vous savez que le 13, 14, 15, la lune devient, yani, c'est la pleine lune. Elle devient blanche. Si tu sors la nuit, le 13, 14, 15, tu sors à la campagne, pas dans un endroit où il y a de la lumière, tu peux tout voir devant toi. Tu peux tout voir, c'est comme si on était en plein jour. Et pourquoi exactement, quand la lune est pleine en jeûne, personne ne sait exactement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, et Allah azza wa jalla ne l'a pas dit. Certains ont fait des recherches, ils ont trouvé que pendant ces trois nuits, c'est les moments où il y a le plus de crimes dans le monde. Ils ont fait des recherches que lorsque la lune est pleine, elle a beaucoup d'influence sur les personnes. Le fait que la lune soit pleine a beaucoup d'influence sur les personnes, et que surtout pour question de mal, pour faire le mal. Alors ils ont fait des recherches, ils ont dit que on a trouvé que quand la lune est pleine, c'est yani, le nombre le plus élevé de crimes, d'assassinats, de vols, de. Ils ont dit, je crois que c'est ça la hikma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire le jeûne ces 3 jours. En quelqu'un jeûne, bien sûr, il se trouve, yani, il est loin de ces choses-là, il s'éloigne, car il est en train de faire une adoration, car il s'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, ça c'est seulement un avis de certains ulama. Naam. Ce qui est aussi permis, ou là, ce qui est aussi conseillé de jeûner, c'est Akthar Sha'ban. Akthar Sha'ban. Yani, il est conseillé pour ceux qui peuvent de jeûner beaucoup de Sha'ban. Beaucoup du mois de Sha'ban. Sha'ban qui est bien sûr avant le Ramadan. Il est conseillé de faire, yani, beaucoup de jours. On va dire combien de jours. An Aisha radiallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yasum hatta naqul la yuftir. ويفطر حتى نقول لا يصوم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: le prophète sallallahu alayhi wa sallam يعني jeûnait au point où on disait خلاص il ne va plus manger. Et des fois, elle parle en général, pas de Sha'ban, en général. Et des fois il mangeait au point où on disait celui-là il ne va plus faire le jeûne tellement il a mangé. وما رأيت, et je n'ai jamais vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, استكمل صيام شهر إلا رمضان. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminer un mois, jeûner tout un mois du début à la fin, sauf le Ramadan. Wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire jeûner comme je l'ai vu jeûner pendant le mois de Sha'ban. Donc le seul mois qu'il faisait du début à la fin, c'est Ramadan. Mais Sha'ban, il le faisait presque tout. Yani, presque du début à la fin. Peut-être qu'il faisait 26, peut-être 27 peut-être 28 jours, parce que le mois, des fois, il a 29. S'il a 29, il crée seulement 27. Pour faire la différence entre Sha'ban et Ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait Sha'ban et il faisait beaucoup de jours en ce Sha'ban. Ensuite, an Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, Usama ibn Zayd radiyallahu ta'ala qala, a dit, qultu ya Rasulullah, lam arak tasumu min shahrin min shuhur ma tasum min Sha'ban. Ya Rasulullah, au prophète, je ne te vois jamais jeûner, yani beaucoup, comme je te vois jeûner pendant Sha'ban. Yani, quelle est la cause? Il veut savoir la cause. Qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, ذلك شهر تغفل الناس فيه عنه. C'est un mois, Sha'ban, que, ou là-dedans, dans la plupart des gens, yani, sont distraits de lui. Il l'oublie ce mois. Il l'oublie. Naam. قال بين رجب ورمضان. Il se trouve entre Rajab, le mois de Rajab, et le mois du Ramadan. Il y a Rajab, ensuite Sha'ban, ensuite Ramadan. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, ce mois est beaucoup oublié par les gens. Naam. وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. Et c'est un mois, Sha'ban, où les actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est un mois spécial où Allah Azza wa Jal, yani, on lui montre toutes nos actions. Yani, ils font des rapports, on les montre toutes nos actions. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Et j'aime que mes actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala en tant que, yani, je suis en temps de jeûne. J'aime cela. Naam. Donc, il faut maintenant joindre entre ce hadith qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup le mois de Ramadan, et le deuxième hadith qui dit, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُ. Il dit, si Sha'ban, le mois de Sha'ban, a atteint sa moitié, le 15e jour, ne faites plus de jeûne. Ne faites plus de jeûne. Il a dit dans un autre hadith, sauf si quelqu'un avait l'habitude. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, il est permis qu'il fasse le mois presque jusqu'à sa fin, le mois de Sha'ban. Pour nous, il est interdit de dépasser les 15 jours. Et pourquoi? Parce que toi tu as un nahi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit, attention, ne fais pas. S'il n'avait pas dit cela, tu aurais pu choisir. Tu aurais dit, je fais comme lui sallallahu alayhi wa sallam, il fait 25, 26, 27, je fais comme lui. Mais là, on va te dire, attention, lui, il fait, et il t'a dit, ne fais pas. Donc, toi, tu prends avec quoi? Tu prends avec son nahi. Tu prends avec, lorsqu'il t'a dit, ne fais pas. Ne fais pas plus de 15 jours. Fais les 15 premiers jours, si tu peux. Sauf si tu as l'habitude, si toute l'année, tu jeûnais, par exemple, le lundi et jeudi, ça ne fait rien. Après les 15 jours, jeûne chaque lundi, chaque jeudi, ça ne fait rien. Si tu avais l'habitude de faire, par exemple, des jours comme ça spéciaux, fais-les. Pourquoi? Parce que tu as l'habitude. Mais celui qui n'a pas l'habitude, il doit s'arrêter au 15e jour. Et le 16e jour, il doit manger. Le 16e jour, il doit manger. Ensuite, cinquièmement, ce qui est aussi conseillé comme jeûne, c'est les 6 jours de Shawwal. Quand le Ramadan se termine, il est conseillé qu'on fasse quoi? Qu'on fasse 6 jours de l'autre mois qui s'appelle Shawwal. An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man sama ramadana, quiconque a jeûné le mois de Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, ensuite il l'a suivi de 6 jours de Shawwal, kana ka siyam ad-dahr, Allah azza wa jalla lui écrira comme s'il avait jeûné toute l'année. Naam. Tu ajoutes seulement 6 jours, Allah Azza wa Jalla t'écrira comme si tu avais jeûné toute l'année. Pourquoi? C'est très simple et c'est très clair. Chaque action, Allah Azza wa Jalla t'en écrit combien? 10. Toi, tu as fait 30 jours du Ramadan, il t'écrit 300. Combien qu'il reste? Il reste 60 jours. Donc, tu fais 6, il va t'écrire 60. Et ça sera 360 jours. Donc, l'essentiel, c'est quoi? C'est de jeûner 36 jours. Le 30 du Ramadan et les 6 de Shawwal, là, t'en écrira 360. Et 360, c'est une année. Masha'Allah, la quwata, illa billah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, en ce qui concerne, il y a ici une petite question. En ce qui concerne, est-ce que ces 6 jours de Shawwal, on doit les commencer le début de Shawwal, ou bien au milieu, ou bien à la fin, ou bien on est libre. Naam, là, pour la réponse, yani c'est un peu long, mais je vais à peu près yani faire le résumé. Il est conseillé, on doit faire la différence entre ce qui est conseillé et ce qui est permis. Allez, on commence par ce qui est permis. Ce qui est permis, c'est que tu fasses les 6 jours dans le mois. Tu es libre au début, à la moitié, à la fin. L'essentiel, le mois de Shawwal ne se termine pas avant que tu n'aies fait, toi, 6 jours. Ça, c'est le permis. Mais le conseillé, le meilleur, c'est quoi? C'est lorsque tu termines le Ramadan. Le lendemain, c'est l'Aïd. Tu manges et tu bois et tu montres le sourire. Ensuite, le deuxième jour, tu commences Shawwal. Ça, c'est le mieux. On parle maintenant du mieux, on a parlé du permis, du conseiller. Maintenant, on parle du mieux, du conseiller. Le mieux, les conseillers, c'est de commencer les 6 jours directement après le premier jour de l'Aïd. Tu termines le premier jour de l'Aïd sans manger, sans jeûner. C'est interdit de jeûner le premier jour de l'Aïd. Et le deuxième jour, tu commences le premier jour de Shawwal jeûne. Pourquoi? Parce que le hadith a dit comme ça. Qu'a dit le hadith? Il a dit من صام رمضان ثم أتبعه أتبع رمضان. يعني il n'a pas laissé un décalage. Il n'a pas laissé un décalage entre le Ramadan et Shawwal. Il a dit أتبعه, ça veut dire en français, il l'a fait suivre. Il l'a fait suivre directement. C'est pour ça que, conclusion, je répète, celui qui fait suivre directement, yani, il ne mange que l'Aïd, ensuite il commence les 6 jours. Celui-là, il a un ajr, et Inch'Allah Ta'ala, il a un ajr mieux que celui qui va jeûner au milieu de Shawwal ou là à la fin. Et les deux, bien sûr, les deux ont un ajr. Les deux ont un ajr, mais le premier, peut-être il a plus. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec le hadith à 100%. Le hadith a dit, tu suis, yani, c'est direct. Donc ça, c'est seulement mieux, hein. Ça ne veut pas dire que c'est obligé de le faire ou là. Celui qui ne peut pas ou là, celui qui veut prendre un peu de temps, celui qui veut manger encore plus ou là, il mange pendant une semaine ou là 10 jours et il a devant lui 20 autres jours pour faire les 6 jours. Mais celui qui peut, celui qui est fort, celui qui a, je ne sais pas, plus de foi, je ne sais pas quoi, celui-là, il commence le deuxième jour après l'Aïd, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, je me rappelle d'une chose, je me rappelle d'avoir lu une fois que Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah a dit que, si je me rappelle bien, non, il a dit que, si moi me rappeler ce que je voulais dire, il a dit que quelqu'un, non, il parle surtout de, par exemple, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui, par exemple, veut faire les 6 jours, il avait l'intention de les faire et il n'a pas pu. Parce que, étant malade, il est tombé malade le mois de Shawwal. Ou bien, par exemple, une femme, pour des raisons, elle n'a pas pu faire le mois, elle rattrapait des choses, ou bien, je ne sais pas, elle n'a pas fait. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, donc, pour celui qui a une raison valable, et qui n'a pas fait pendant le mois de Shawwal, il peut faire l'autre mois après Shawwal. C'est-à-dire, après Shawwal, il y a un autre mois qui va venir, il peut faire dans l'autre mois, avec l'intention de Shawwal. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla a demandé que tu fasses ces jours-là pendant Shawwal. Mais toi, tu avais des raisons valables. Tu étais malade, tu étais à l'hôpital, tu étais je ne sais pas où, tu ne pouvais pas faire les 6 jours. Allah Azza wa Jalla sait que tu ne pouvais pas. C'est pas que tu n'as pas voulu, tu n'as pas pu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Directement, dès que tu peux, tu fais les 6 jours, même dans le deuxième mois. Et pas le mois de Shawwal. Il a dit, Inch'Allah Ta'ala, ça c'est valable. La deuxième des choses, certains gens, surtout certaines femmes, qui ont des fois des excuses pour manger pendant le Ramadan, elles posent la question, elles disent, est-ce que je commence par les 6 jours de Shawwal, ou bien je commence par les dettes que j'ai, le Ramadan? Qu'est-ce qui est mieux? Je commence par les dettes, ou je commence par Shawwal et ensuite je fais les dettes? Parce qu'une femme, quand elle mange, quand elle a des raisons de manger, et chaque femme a une raison de manger, au moins une semaine, celle-là, elle n'a jamais le droit de laisser rentrer l'autre Ramadan. Elle n'a jamais le droit de faire cela. Il faut qu'elle n'attende pas jusqu'à ce que l'autre Ramadan rentre. Elle a toute une année devant elle pour faire cela. Donc, elle n'attend pas jusqu'à l'autre Ramadan. Si l'autre Ramadan rentre, sans raison, elle a des péchés. Maintenant, si l'autre Ramadan rentre, bien sûr, après, elle fera toujours le karam, le jeûne. Et comme j'ai dit une fois, c'est pas la peine de faire nourrir un pauvre, parce qu'il n'y a ça ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Maintenant, je réponds à la question. Si une femme, ou même un homme, a des dettes, il était malade, il a mangé, maintenant, il dit, est-ce que je commence par Shawwal ou par les dettes? Cheikh Ibn Uthaymeen, ala rahmatullah, a dit, tu commences par les dettes. Naam, tu commences par les dettes, ensuite, tu vas au surérogatoire. Il y a deux délits. Premier délit, les dettes, c'est obligé. L'autre, c'est pas obligé. Nous, on commence par l'obligé, on commence pas par la chose qui n'est pas obligée. C'est comme si il y a beaucoup de gens qui sont endettés. Hein, ils ont emprunté de l'argent. Ensuite, ils te disent, est-ce que je donne aux pauvres, moi, est-ce que... Donne à celui qui t'a prêté, qui t'a emprunté. Non, rends l'argent à celui qui t'a prêté au lieu que tu fasses toi l'aumône. Et certains vont même à la Umra, etc. Tout ça, c'est interdit. Il est interdit pour quelqu'un qui est endetté de partir à la Umra ou de partir à la Hajj ou là, il ne part nulle part. Encore pire, s'il part en camping ou là, je ne sais pas où il part se promener. Il va en Italie. Là, c'est pire. Pourquoi? Tu commences toujours par rendre ton argent. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit à rahmatullah, maintenant, si tu veux aller à la Umra ou là, tu vas demander à celui qui t'a prêté de l'argent. Tu lui dis, écoute, est-ce que je peux, tu me permets que je te rende pas l'argent et que je vais à la Umra? Parce qu'en fin de compte, tu vas à la Umra avec l'argent de qui? Avec son argent à lui. Tu devais lui rendre l'argent, tu l'as pas rendu. Donc tu lui demandes, est-ce que je peux permettre que, s'il te permet, tu vas à la Umra. S'il te permet pas, il a dit, il est interdit que tu ailles à la Umra. Et Cheikh Ibn Uthaymeen a dit plus grave que ça. Il a dit, même si tu dis par exemple que on m'a payé la Umra. Voilà, maintenant on m'a payé la Umra, c'est pas moi. Comment je fais? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, même si on t'a payé la Umra, tu vois, si au lieu d'aller à la Umra, tu peux par exemple travailler pour faire une seconde. Non, je disais que non, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit même dans ce cas, si tu peux travailler ou là il y a un endroit où travailler, au lieu d'aller là avec ceux qui t'ont payé la Umra, va travailler pour rendre l'argent à celui qui t'a prêté de l'argent. Al-Muhim, ça c'est le premier délit. Deuxième délit, c'est le hadith. Le hadith, qu'a-t-il dit? Le hadith a dit, من صام يعني رمضان ثم أتبعه, quiconque a jeûné le Ramadan et l'a fait suivre de 6 jours. Donc, a jeûné le Ramadan et l'a fait suivre. Et toi, puisque tu as des dettes 6 ou 7 jours de Ramadan, donc tu n'as pas jeûné le Ramadan. Et le hadith, il a dit, quiconque a jeûné le Ramadan et l'a fait suivre de 6 jours. Et toi, tu n'as pas jeûné le Ramadan étant donné que tu as 5 ou 6 jours de dettes. Donc, commence par tes dettes. Là, on dira, cette personne a jeûné le Ramadan. Ensuite, tu vas à Shawwal. Donc, tu ne peux pas commencer par Shawwal si tu n'as pas payé tes dettes. Sixièmement aussi, c'est le neuvième jour de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah, c'est Yom Arafa. Lorsque les gens sont sur Arafa, Yom Arafa, mais c'est spécialement pour quelqu'un qui n'est pas au Hajj. Celui qui est au Hajj, il lui est interdit de jeûner le jour de Arafat. Mais celui qui n'est pas au Hajj, toute personne, elle qui n'est pas au Hajj le neuvième jour de Dhul-Hijjah, il est conseillé pour qu'elle fasse ce jour, le jeûne. C'est un jour, yani azim, عند الله سبحانه وتعالى, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, صيام يوم عرفة, le jeûne du jour de عرفة, احتسب على الله سبحانه وتعالى, أرجو, je souhaite que, chez Allah, je souhaite, chez Allah سبحانه وتعالى, أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. نعم. Celui qui jeûne le jour du Arafat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Arafat et Arafat, la même chose, a dit je souhaite chez Allah subhanahu wa ta'ala, et quand il souhaite bien sûr c'est exaucé, je souhaite que le jour de Arafat, il annule une année, l'année précédente et l'année passée, il annule deux années de péché, mashallah. Il annule l'année de, yani, qui est passée et l'année بإذن تعالى qui va venir. يكفر السنة التي قبله سبحان الله العظيم. Donc c'est un jour, السنة التي قبله والسنة التي بعده. C'est un jour عظيم. C'est un jour عظيم. Il est très conseillé aux gens de ne pas faire passer ce jour, de ne pas oublier de jeûner le jour du Arafat. C'est un jour يعني عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Et ça suffit qu'il soit sublime et immense. Il suffit que quoi? Yani, il annule deux années de péché. Hein, c'est pas facile. Yani, tu laisses ce jour passer et tu fais pas le jeûne juste pour boire un café ou là. Et des fois, les gens boivent un café, peut-être ils mangent pas toute la journée. Et il a fait passer le jour de Arafat, le jour qui annule deux années de péché. Et surtout, nous qui avons des montagnes de péché. Je crois que vous savez, nous, on a des montagnes de péchés. On n'est pas comme les salafs qui, du matin à la prière, étaient à la mosquée, étaient toute la nuit en train de prier, tout le jour en train de jeûner, ils ne parlaient pas sur les gens, le riba, etc. Alors, nous, on est plein, on est noyé de péchés. Donc, si on fait passer ce jour, on ne jeûne pas. C'est que vraiment, le shaitan, ce jour-là, il nous a eu. Non, moi... Ce qui est aussi demandé, c'est Yom Ashura Aydan. Yom Ashura, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je souhaite aussi, chez Allah subhanahu wa ta'ala, en yukafira sana lati qabla. Ashura, celui qui jeûne le Ashura, Allah azza wa jalla lui annule une année. Non, l'année passée. Toute l'année passée qui s'est écoulée, Allah azza wa jalla va l'annuler. Subhanallah al-Azim. Donc Arafat est mieux, vous remarquez, Arafat il a lu deux années et Yom Ashura, le jour du Ashura, annule une année. Naam, et il est de préférence, on jeûne le 9e jour et le 10e jour, pour celui qui peut. De préférence, il ne jeûne pas le Ashura seul. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux Yahoud. Aux Yahoud, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment faire le jeûne le jour du Ashura. Donc nous, pour ne pas les ressembler, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de jeûner le 9e jour. On ajoute le 10e qui est Ashura. Et si on ne peut pas le 9e, on jeûne le 10e et le 11e. Comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, et Cheikh Al-Albani, rahmatullah, a dit, Naam, c'est valable, c'est permis. Donc, celui qui ne peut pas le 9e jour, parce qu'il était occupé, ou là, il a oublié, ou là, s'il jeûne le 10e, il ajoute avec lui le 11e, bi'idhna subhanahu wa ta'ala, il aura un deuxième ajr. Il aura le ajr du 10e jour du Ashura, de l'avoir jeûné, et le ajr du 11e jour ou du 9e, pour avoir jeûné, et pour avoir quoi? Pour avoir fait de sorte de ne pas ressembler aux gens du livre. De ne pas ressembler aux gens du livre. Et c'est pour ça que, dans le 8e mois, il est aussi conseillé de jeûner beaucoup le char de Muharram. C'est dans le Muharram qu'il y a le Ashura. Il est conseillé, ce char, ce mois, Muharram, il est conseillé de beaucoup de le jeûner. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, hadith al-Bukhari, hadith muslim, il a dit « Afdalu siyam » بعد رمضان شهر المحرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur jeûne, yani le meilleur des mois où on jeûne après le ramadan, c'est شهر المحرم. Attention, ce n'est pas Sha'ban, non, le meilleur mois après le ramadan, c'est le Muharram. Tu as le premier mois que Allah Azza wa Jal aime le plus, c'est le ramadan. Ensuite, classé deuxièmement, c'est le Muharram. Muharram, il vient en deuxième place. C'est le meilleur mois où le musulman, il lui est conseillé de jeûner. Naam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit afdal siyam ba'da ramadan shahrullah al-muharram wa afdal salat ba'da al-farida salatul layl. Et la meilleure salat après les cinq prières obligatoires, c'est quoi? C'est la salat de la nuit. Quand tout le monde dort, tout le monde veut se couvrir, tout le monde a froid, il dit moi je me couvre. Là, quelqu'un jette la couverture et va faire le wudu et va faire la prière. Personne ne sait qu'il est en train de prier. Tout le monde croit qu'il est en train de dormir. L'Azawajal descend de son trône au ciel du bas monde. Alors là, yani, c'est la meilleure salat que l'Azawajal aime. Donc là, c'est Shahr al-Muharram. Shahr al-Muharram, yani, si on peut, on jeûne 20 jours, 25 jours, etc. Pourquoi? Parce que l'Azawajal aime beaucoup le Siyam pendant ce jour-là. Non, ensuite, on a posé une question très importante à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. En ce qui concerne les 10 jours de Dhul Hijjah. Non, les 10 jours de Dhul Hijjah. Vous savez que Dhul Hijjah, Allah Azza wa Jal aime beaucoup aussi ce mois. Et aime beaucoup, yani, les jours de ce mois. Que les personnes yani, fassent les hasanats, fassent les bonnes actions, etc. ce jour-là. Alors on a posé la question à Cheikh l'Islam, on lui a dit, qu'est-ce qui est mieux, les 10 jours de Dhul Hijjah ou bien les 10 derniers jours du Ramadan? Car les ulamas, dans cette question, ils ont beaucoup yani, diversifié. Certains ont dit, non, ce sont les 10 jours du Ramadan, les 10 derniers jours sont les meilleurs. D'autres ont dit, non, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Pourquoi? Parce qu'il y a Arafat, il y a Yom Tarwiya, les meilleures actions du Hajj se trouvent dans les 10 jours. Le Cheikh l'Islam, comme vous le savez, avec le ilm que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on joint entre les deux, c'est-à-dire quoi? Il a dit, pour que je vous dise quels sont qui est mieux, yani, les 10 jours de Dhul Hijjah ou bien les 10 jours de Ramadan, il a dit, c'est d'après yani, ce qu'on voit. Si on voit le jour, c'est Dhul Hijjah, c'est les 10 jours de Dhul Hijjah qui sont mieux. Pourquoi? Si on voit le jour. Parce que dans les jours de ces 10 jours, le jour pas la nuit, il y a Arafat, Wukuf Arafat, il y a Minan, il y a Rami al-Hijara, ça se passe dans les 10 jours. Donc ce sont les meilleurs à cause des actions qu'on fait. Que fait le Hajj quand il est en plein Hajj. Mais si on parle de la nuit, c'est les 10 jours de Ramadan, 10 derniers jours qui sont mieux. Pourquoi? Parce que dans les 10 derniers jours, il y a Laylatul Qadr. Les 10 dernières nuits, il y a Laylatul Qadr. Donc voilà, on ne peut pas dire comme ça directement, ce sont ces 10 jours qui sont mieux que les autres. Non. Si tu parles du matin et des jours, on parle de Dhul Hijjah, ils sont mieux à cause de. Il y a les actions du Hajj. Si tu parles de la nuit, ce sont les 10 derniers jours de Ramadan qui sont mieux, les 10 dernières nuits. Pourquoi? Parce qu'il y a, comme je viens de dire, il y a Laylat al-Qadr dans ces 10 nuits. Pardon, je lis quelque chose ici, un message très vite. Non. Autre chose. Il ne reste pas beaucoup, on va terminer. Hal yasih, on a demandé à Cheikh Islam, alayhi rahmatullah, on lui a posé la question, hal yasih idhar surur, yawm ashura, ou l'iftihal, ou tabkul kubub, ou nahwe, etc. Souil à Cheikh Islam, on lui a demandé, amma yaf'aluhu an-nas fi yawm ashura. On lui a dit, le jour du ashura, certains gens, voilà ce qu'ils font, dites-nous, barakallahu fik, est-ce que c'est valable ou est-ce que ce n'est pas valable? Que font les gens yawm ashura? Ils ont dit, les femmes elles mettent le noir dans leurs yeux, ensuite elles vont l'irtissel, elles se lavent, le henna, elles mettent le henné, tabkh al-huboub, certains manger, des fois elles cuisinent un manger spécial. Wa idhar surur ila ghayr dhalika. Hal fi hadith am laysa fi ila. Ensuite ils lui ont dit, il y a à l'inverse, il y a un groupe qui yani, ne mange pas, qui ne boit pas, il s'habille en noir, il pleure, il se griffe les joues, etc. Il se déchire les vêtements, qu'est-ce qui est mieux? Il parle bien sûr de qui? Il parle ici de Rawafid, hein? Les Rawafid, les chiites, le dixième jour, le, pardon, Yom Ashura, Ah, c'est très grave pour eux, hein. S'il y a quelqu'un qui pleure pas, ou là, qui fait pas couler le sang, ou là, qui se frappe pas avec les chaînes, etc., il dit, celui-là, ça, c'est pas un musulman. Et il y a d'autres, comme je disais, c'est le contraire. Et se lave, mettre le henné, mettre le, montre le sourire, etc., etc. Cheikh l'Islam a dit, Alhamdoulilah Rabbil Alamin, لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه. Il n'y a pas un hadith sahih, yani, ni en cela, ni en l'autre. Ni du prophète صلى الله عليه وسلم, ni des sahaba. ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. Il n'y a pas, je ne connais pas un imam des musulmans qui a dit qu'on faisait cela pendant le Ashura. ولا الأئمة الأربعة, ni les أئمة, les grands quatre. Abu Hanifa, Ahmed, Shafi'i, Imam Malik. Ni cela. ولا ni ça se trouve dans un livre connu. Il a dit, ni ça se trouve dans un livre connu, ni le prophète sallam a dit ça, ni sahaba, ni tabi'in, ni authentique, ni faux, ni fi sunan, ni fil masanid, il n'a dit ça n'existe jamais. Donc, Ashura barakallahu fikoum, pour ceux qui font le Ashura hada, c'est un jour normal où Allah azzawajal annule une année de péché. Ça veut dire, tu le fais normal et le soir, tu manges normal comme mangent tous les gens. C'est pas la peine de dire ou de faire comme font beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font yani, quelque chose de spécial. Ils te disent Ashura, il faut spécialement, je ne sais pas, une poule, ou là il faut un canard, il faut mettre faire rishta, hein? Il faut rishta si tu cuisines pas la rishta, ou là le couscous, ou là si tu ne fais pas la Ashura, yani, ça ne va pas être accepté. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est le contraire alors. Alors là, c'est une bid'a, parce que tu dis que rishtahari ou là le couscous, yani spécialement pour ce jour-là, c'est une bid'a. Non, moi je mange naturellement et normalement le jour du Ashura. Je fais le jeûne, je mange normalement. Ce qu'il y a, je mange. Il n'y a pas à manger spécial, je vais le faire à cause de ce jour. Maintenant, je terminerai. C'est pas la peine de donner les hadiths, ils sont longs. Non. Si quelqu'un jeûne nafila, supposons que quelqu'un est jeûné par exemple à Arafat, ou bien il a jeûné par exemple à Ashura, ou bien n'importe quel jour, il a jeûné lundi ou jeudi, etc. Ensuite il veut manger. Est-ce que ça lui est permis? Non, ça lui est permis sans haraj, sans aucun problème. Il n'a ni péché ni rien. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit dans le hadith, il a dit As-sa'imul-mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a sam wa in sha'a aftar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait, yani celui qui, comment on dit, celui qui jeûne nafila surérogatoire, il a dit, il est libre, il est libre. S'il veut, il mange, s'il veut, il boit, il est libre. C'est pour ça que tu peux jeûner jusqu'à, par exemple, midi. Ensuite, tu changes d'avis, tu dis j'ai faim, j'ai envie de manger. Tu manges, tu n'as pas d'ithme, jamais au grand jamais. Pourquoi? Parce que tu es libre. C'est comme si, je donne un autre exemple, c'est comme si, par exemple, attendez la fin, non, comme tu dis par exemple, demain, je vais prendre un peu d'argent pour le donner aux pauvres. Tu vas par exemple au coffre, si tu as un coffre, tu sors un peu d'argent parce que tu dis demain, je vais donner 30 euros, par exemple 30 dollars, ou là je vais les donner à quelqu'un, à un pauvre. Ensuite tu marches dans la rue pour les donner. Ensuite tu changes d'avis. Tu dis non, là je préfère au lieu de les donner, je me suis souvenu que je n'ai pas de canapé à la maison, je vais acheter des canapés, c'est mieux. Donc ici tu es libre. Pourquoi? Parce que c'est pas obligé que tu donnes. Tu as voulu donner, tu t'es désisté, tu es libre. La même chose ici. Quand tu fais le carême, surérogatoire, nafila, tu veux terminer la journée, tu veux pas la terminer, tu es libre. D'ailleurs, il y a un hadith ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné, ensuite on lui a donné quelque chose à manger, il l'a mangé. Et pourtant, il a dit, et pourtant j'avais jeûné. J'avais jeûné, mais quand j'ai vu cette chose, je l'ai mangé, comme dans le hadith sahih. Et il y a un autre hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis et on lui a apporté quelque chose à boire. Sûrement, c'était quelque chose, yani, un jus ou quelque chose comme ça, il a bu. Ensuite, sa cousine, Hani, radiallahu ta'ala anha, il lui a donné à boire. Elle a bu. Ensuite, quand elle a terminé, radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Inni ibnibtu fastaghfirli. Elle a dit au prophète, je viens faire un péché, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Il a dit, c'est quoi ton péché? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, kuntu sa'imatan fa aftart. Elle a dit, j'avais jeûné, mais quand tu m'as donné à boire, j'ai bu. Il a dit, amin qada'in kunti taqdinahu. Est-ce que le jour hada tu as jeûné, est-ce que tu avais une dette, tu la faisais, ou là comme ça, yani nafila? Elle a dit, non, ce n'est pas une dette. Qala idan fala yadurruki. Il a dit, alors, ça te fait pas mal. Donc, la conclusion, c'est quoi? Sauf si une femme ou là quelqu'un avait une dette qui l'a rattrapée. Celui-là, il lui est interdit de manger. Naam. Si une femme rattrape ses dettes, elle n'a pas le droit, si elle a dit demain je fais le jeûne, si elle a commencé le matin, elle n'a pas le droit de l'arrêter. Sauf pour excuse valable. Elle a les mots, elle a la tête qui tourne, etc. Mais sans raison, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas surérogatoire. Elle est en train de payer des dettes. C'est quelque chose d'obligatoire qu'elle est en train de faire. Avec la différence que quoi? La différence que si elle mange ou si elle boit comme ça sans raison, elle a seulement des péchés et elle rattrape le jour, elle le rattrape encore une fois, et quoi? Et elle n'a pas la kafara, elle n'a pas deux mois consécutifs. Pourquoi? Parce que, certes, c'est une dette, mais on n'est pas au mois de Ramadan. On ne fait deux mois consécutifs que quand on est au mois de Ramadan et on mange. Maintenant, on est hors Ramadan, on n'est pas en Ramadan. Certes, on est en train de rattraper un jour du Ramadan, mais on n'est pas au Ramadan. C'est pour ça que il est interdit de manger. Mais si je mange, j'ai seulement les péchés, si je n'ai pas d'excuses, et je rattrape seulement le jour. Et la dernière chose avec laquelle on termine, si quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, faisait un jeûne surérogatoire, nafila, il ne rattrape pas, c'est pas une dette, hein, nafila, il a dit, jeudi, demain c'est jeudi, je vais jeûner. Ensuite, quand il a jeûné, je viens de dire, il a mangé. À 10h, il a changé d'avis, il a mangé. Celui-là, c'est pas la peine de rattraper, hein. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une dette. Celui-là, c'est pas la peine de rattraper encore une fois. Et c'est de la sunna que si quelqu'un t'invite, alors tu avais jeûné, tu réponds à son invitation. Tu pars. Ensuite, quand tu arrives là-bas, tu es libre. Tu veux manger. Tu veux pas manger, tu lui fais des doigts. Mais à une seule condition, laquelle il faut que tu saches qu'il n'a pas fait tout ça à cause de toi. S'il a fait tout ça à cause de toi, spécialement à cause de toi, tu dois manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu quelqu'un, on l'avait invité, il n'a pas mangé. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Da'akum akhukum wa takallafa lakum. Il a dit, subhanallah, votre frère vous a invité et il s'est fatigué à cause de vous, il a fait tout ça. Il a dit, after wasum makanahu yawman inshit. Mange aujourd'hui et inshallah ta'ala, si tu veux, rattrape un jour à la place de ce jour. N'est-ce pas mieux quelqu'un qui de 10h du matin avec sa femme, ils étaient en train de te préparer à manger. Ensuite, tu viens le soir à la dernière minute, ils te posent tout, la table est garnie, tu leur dis pardon. Ah, c'est pas le soir, là tu vas manger. Tu viens à midi, tu leur dis pardon, aujourd'hui j'ai jeûné. Subhanallah, mais nous, pourquoi on a fait tout ça? Et est-ce que ce que tu as jeûné, c'est obligatoire? C'est pas obligatoire, c'est une nafila, c'est tout. Alors mange, et si tu veux, rattrape demain ou après-demain. Mange, fais-nous plaisir, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que je voulais dire. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله سوف bientôt les questions réponses dans 10 minutes. Donc je tenais à préciser que lorsque vous devez lever les mains, c'est quand le shir a fini le dars. Et je voulais aussi dire que le shir finit à minuit, donc toutes questions après minuit ne seront pas prises si le shir, à moins que le shir le décide de la prendre. Barakallahu fikoum. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي طعم الله، شوف إذا فيه صوت. نعم، شوف إذا فيه صوت. فيه صوت، نعم. فمرحبا بكم، نعم مرحبا بكم مرة أخرى. D'abord, j'ai deux petites choses à dire. En ce qui concerne les questions, j'ai certaines questions de certaines personnes, yani auxquelles, inshallah ta'ala, je vais répondre. Et ceux qui m'ont écrit sur le courrier personnel, il y a certains gens auxquels j'ai pas encore répondu, inshallah ta'ala, à ceux-là. Je répondrai, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, demain. Demain, inshallah ta'ala, je répondrai à ceux-là. En ce qui concerne, il y a une sœur qui dit, salam alaikum, je vois que vous avez beaucoup de questions. Je voulais vous demander à quand un nouveau contrôle sur le jeûne, si possible, afin que les frères et sœurs ne commettent pas d'erreur dans leur siyam, inshallah ta'ala. Naam, ça c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé. J'y penserai, inshallah ta'ala. J'y penserai, inshallah ta'ala. Et je vous rendrai, inshallah ta'ala, la réponse. Autre chose, avant de commencer les questions, j'ai été très déçu et j'ai été très choqué hier quand j'ai vu le titre d'une salle où il s'était dit venez, yani, en ce sens, yani, rentrez dans la salle, vous allez voir la photo de X. Ils ont cité une sœur comme ça, j'ai oublié ce qui c'est, Naam, et X aussi, c'est la fille, je ne sais pas combien, El Mohim. J'ai été très choqué, j'ai été très très déçu, yani, les deux à la fois. Ensuite, un frère m'a dit, ça c'est pas étonnant, yani, il m'a dit, peut-être ils sont à la 9e ou la 10e sœur, qu'il montre sa photo comme ça, yani, il regarde, rentre, voit la photo de la sœur, il te dit, j'ai même d'autres photos d'elle, yani, beaucoup plus déshabillée, etc., etc., wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Nahnu, qu'est-ce qu'on dit à ceux-là? Je ne sais pas si on doit les appeler des pervers ou bien on doit les appeler des fous, yani, qui n'ont rien dans la tête. Allah subhanahu wa ta'ala musta'an. Ce qui est drôle, c'est que ils font ça dans ce qu'on appelle, yani, islam, hein. Il y a islam, il y a sport, il y a je ne sais pas quoi. Ils rentrent dans l'islam, ils mettent une salle comme quoi ça a rapport avec l'islam. Ils te disent même que je suis en train de faire ça, yani, pour que les gens, etc., etc., yani, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il me donne des récompenses. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. De toute façon, certaines sœurs sont rentrées dans la salle et ont répondu. Naam, même un frère, je ne sais pas qui, j'ai oublié, il a répondu. Il a dit en ce sens que vous êtes connus, que vous êtes des tekfiriyoun, vous êtes connus, vous cherchez des fitnes pour les gens. Et une sœur a dit, bande de méchants ou la bande de pervers. Je connais bien la sœur, elle n'est pas de ce genre, c'est elle qui a dit, elle n'est pas de ce genre, il ne lui manque rien, elle est pieuse, elle est, etc. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nous on dit à ces gens qui font cela, on leur dit, comme a dit Allah Azza wa Jal, inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Allah Azza wa Jal a dit, quiconque fait des tests et des épreuves aux croyants et aux croyantes, et ensuite, naam, ensuite ils ne font pas le repentir, ceux-là, ils ont le feu de Jahannam, wa adhabu jahannam, le châtiment de Jahannam, et ils ont aussi le feu. Naam, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wa fi al-akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ceux qui veulent que y a la fitna, etc., et la zina, comme ça, elle se propage entre les croyants, auront un châtiment douloureux ici comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Naam. Et il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quiconque fait comme ça, yani, Allah Azza wa Jalla lui fera la même chose. Même, yani, s'il se cache à l'intérieur de sa maison, il ferme toutes les portes, Allah Azza wa Jalla, yani, le découvrira devant les gens. De toute façon, chaque sœur ou la chaque frère qui connaît bien cette sœur, Hadi, Warda Muslima et l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle, Salafi Yagda, doit rentrer dans la salle et écrire un commentaire. Écrire et dire, bande de pervers, bande de kada, voilà, je connais bien, bien sûr, c'est vous que Allah Azza wa Jalla, attendez-vous à son châtiment, son grand châtiment, bi'inna subhanahu wa ta'ala. Car même si la sœur a fait cela, nous on ne dit pas qu'elle a fait. Elle a fait, supposons qu'elle a fait. Est-ce que c'est comme ça qu'a dit l'islam? Islam a dit, tu vas mettre sa photo et tu fais des menaces. J'ai d'autres photos plus graves, sinon je les montre. Si tu avais plus grave, je suis sûr que tu les aurais montrées. Tu n'en as pas plus grave. Mais celui-là, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas l'islam qui a dit cela. C'est pas Allah Ta'ala qui t'a dit d'aller montrer la photo, ni son prophète, ni l'ulama. Est-ce que toi, tu dis que je le fais en la cause d'Allah? Yani, tu le fais en la cause d'Allah. Tu as téléphoné à Sheikh Al-Fawzan, tu as dit à Sheikh Al-Fawzan, ou la Salah Al-Sheikh, voilà, il y a une fille qui, je ne sais pas ce qu'elle fait, est-ce que je suis une sœur, je vais mettre sa photo sur l'internet, devant tout le monde qui va la voir, tous les pays du monde vont la voir, et je vais dire, cette sœur, c'est une perverse, tu as le droit. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. De toute façon, je voudrais dire autre chose pour finir de ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Je vous parle, vous, mes sœurs, mes frères et mes sœurs, mais surtout mes sœurs et mes filles. Je vous dis une chose. Je vous ai dit deux ou trois fois, l'internet c'est très dangereux. Je vous ai dit deux ou trois fois, attention à vos photos. Je vous ai dit deux ou trois fois, ne donnez jamais vos photos à quelqu'un. Toi, quand tu donnes la photo à quelqu'un, d'abord, d'où tu sais que c'est une sœur? Peut-être c'est un frère qui s'appelle Kada. Abdullah, Fatiha, Maryam, Ali. Quelle est la preuve que c'est homme? Quelle est la preuve que ce n'est pas d'un homme qui est derrière ce pseudo? Quelle est la preuve? Classe, vous êtes naïf, yani, à ce point. Dès quelqu'un, comment vas-tu? C'est moi, Fatiha. Donc, classe, c'est Fatiha. Classe, c'est la naïveté à ce point. Je ne crois pas qu'une musulmane, yani, soit naïve à ce point. Deuxièmement, supposons, maintenant, c'est vraiment Fatiha. C'est la vraie. Je la connais. C'est elle, c'est une femme, c'est pas un homme. Maintenant, Fatiha te dit de lui donner ta photo. Ne donne pas ta photo à Fatiha. Pourquoi? Parce que tu lui dis, chère sœur, je t'aime beaucoup et je ne te donne pas ma photo. C'est pas parce que je t'aime pas, ma'adallah, mais ma sœur, parce qu'on peut te prendre ma photo. Naam, je te la donne, toi tu la laisses sur l'ordinateur. Et maintenant, je vous ai dit qu'ils avaient quoi? Ils ont des logiciels spéciaux. Des logiciels, toi ton ordinateur est éteint et lui il est à l'intérieur, ou là je crois quand il est allumé il lit avec toi tout ce que tu as et il prend des photos et des duplicata de tout ce qu'il veut, il te prend tout ce qu'il veut de l'ordinateur. Tant que toi tu dis à la sœur, voilà je t'aime bien, tu es très gentil, non les pirates, je te donne pas ma photo parce qu'il y a des gens, des spécialistes, tu risques toi d'oublier ma photo dans ton ordinateur et ils vont te la prendre. Ma sœur, crains Allah subhanahu wa ta'ala, sinon tu vas rentrer dans de grands fitnes. Regarde ce qui s'est passé à Warda Muslima et ce qui s'est passé à l'autre. Maintenant, on m'a dit, chaque semaine peut-être, ils vont montrer des photos dans l'ordinateur. Chaque fois, chaque semaine. Et alhamdoulilah, celui-là, yani Allah Azza wa Jal, a aidé la sœur, yani il n'a montré que la photo de son visage. Bien sûr, il n'a que cela. Mais il aurait pu trafiquer. Il aurait pu la montrer en train de faire des choses énormes. Même la photo, le visage suffit pour la coller à autre chose et ça donne quelque chose, yani de, yani yundalahu al-jabin, comme on dit, a'udhu billah. Donc soyez barakallahu, ne soyez pas, yani, comment on dit, bête, ou là, je ne sais pas comment on dit, astaghfirullah. Enlève la photo de l'ordinateur. La photo, laisse-la dans le tiroir, laisse-la dans le photo album. Soyez vigilante, soyez pas naïve à ce point. Il y a des logiciels maintenant, on rentre, on te prend tout ce qu'il y a en bois, tout ce que tu fais, etc. Ne joue pas avec l'internet. On va te mettre ta photo dans la horre et on va te faire de toi beaucoup de choses qui sont pas vraies. On va si tu es marié, on va te divorcer. Ton mari, peut-être, il va dire, moi, je crois ce que je vois. C'est pas possible, tu as dû faire cela. Comment se fait-il, ils ont cette photo, etc. Donc, toi, tu donnes ta photo aux hommes. Ils vont divorcer. Si tu n'es pas marié, ils vont pas te laisser te marier. Ils vont faire de toi des choses, tu vas pas te marier. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah azza wa jal an yakfiyana sharrahum wa an yuriyana ayatihi fihim subhanahu wa ta'ala aw an yahdiyahum. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Regardez les gens quand ils n'ont pas peur d'Allah, quand ils sont pas salafiyin. Regardez les gens quand ils sont des takfiriyin. Qu'est-ce que ça donne? Wa la hawla wa la وَتَلَّى بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَكِنَّ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. Allah Azza wa Jal ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Tuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Allah Azza wa Jalla a écrit ce qu'ils ont dit, a écrit ce qu'ils ont menti. Il a le duplicat à ce qu'il n'a qu'un instinct. Là, je vous ai dit, on faisait le duplicata de ce que, tout ce que vous faisiez. Et le jour du jugement dernier, ils verront, s'ils ne vont pas faire le repentir, ils verront qu'est-ce qui les attend demain. Wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim. Ibn Muhammad, tafaddal barakallahu fik, Ibn Muhammad. Je demande que chacun ne pose qu'une seule question. Jazakumullahu khayran. Une seule question. Regardez combien il y a de gens qui attendent. Et il y en a qui ont vraiment besoin de réponse. Barakallahu fikoum, une question, jazakumullahu khayran. Tafaddal Ibn Muhammad. La yadur. Où est-ce qu'il est Ibn Muhammad? Je vois plus son nom. Je sais pas ce qui s'est passé. Où est-ce qu'il est Muhammad? Hawla wa la quwwata illa billah. J'ai pas compris. Qasim, tafaddali. Je ne sais pas où est Ibn Muhammad. Il est en bas. Pourquoi il est en bas? Peut-être que quelqu'un l'a fait descendre sans le vouloir. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je suis une sœur qui suit un traitement gynécologique pour une grossesse. Le docteur m'insère une sonde dans le vagin chaque échographie. Mon jeûne reste-t-il valable après cet examen? Cet examen annule mes objections. Je vais faire le rousse. Jazakumullahu khayran. Naam. Ce qu'il fait, ce médecin, n'annule pas le jeûne. Le jeûne est toujours valable, inshallah ta'ala. Qui existe, qui peut prendre les photos, sans qu'elle donne, comme c'est qu'il met sur l'avatar. Naam, un frère me dit ici, pardon, j'ai arrêté au milieu de répondre. Un frère me dit, ils prennent les photos par MSN. Naam, car il y a un logiciel qui existe, qui peut prendre les photos sans qu'elle le donne. Il suffit de la mettre sur l'avatar, sur MSN. Donc, toi, quand tu fais ta photo, tu la mets sur MSN, on te la prend de l'MSN. Voilà. C'est pas obligé que tu donnes la photo, toi, à quelqu'un. Et lui, il vient à l'MSN, il trouve ta photo sur l'avatar, là, il la prend, il fait ce qu'il veut. Al-Muhim, je dis à cette sœur, Oum Qasim, que ça n'annule pas le jeûne. Le jeûne est vrai. Ça ne demande pas le roust. Ça ne demande pas le roust et ça ne demande pas le wudu. Même les ablutions ne sont pas annulées. Mais si, Inch'Allah, tu refais les ablutions, par précaution, c'est tout. Mais elles ne sont pas annulées. Pour que les ablutions s'annulent, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais si tu les fais, Inch'Allah, c'est seulement par précaution. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Toutes les deux autres choses ne sont pas annulées. Naam. Mu'min 84, tafaddal. Naam, j'ai quelque chose de très important à dire aussi, je l'ai oublié ici. Très très important. En ce qui concerne Umm Qasim, en ce qui concerne, tu avais dit que le docteur m'insère une sonde dans le membre, etc., etc. En principe, il est interdit à un homme de voir la femme en cet endroit et d'insérer une sonde ou d'insérer n'importe quoi. Il est interdit à la sœur musulmane d'aller chez un médecin, sauf s'il n'y a pas, j'ai bien cherché, tous les alentours, la ville la plus proche, il n'y a pas de femme. Ensuite, je suis dans quoi? Dans l'obligation. Mais si je ne suis pas dans l'obligation, c'est pas quelque chose de grave. Allahu alhamdulillah, c'est une femme. Ah, une femme. Khalas, barakallahu fik. Tu as dit le docteur, je croyais un homme. Jazakallahu khayran, barakallahu fik. Donc c'est moi qui me suis trompé. Naam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais savoir, j'utilise un produit pour les cheveux contenant de l'alcool. Est-il haram? Et puis-je l'utiliser en état de jeûne? Barakallahu fik. En état de jeûne, si tu l'utilises, s'il est haram, supposons qu'il soit haram, il n'annule pas le jeûne. Supposons qu'il soit haram, il n'annule pas le jeûne. Maintenant, l'alcool, je ne sais pas combien il y a de degrés. Ils ont dit, si c'est seulement un peu d'alcool, de façon à ce que, à l'intérieur, classe, elle n'a plus de, on ne peut plus la voir ou la sentir ou là, ils disent c'est permis. Et s'il y a beaucoup d'alcool, par exemple 70% d'alcool ou là, les ulama ont dit, ça c'est interdit. Mais c'est juste un peu, de façon à ce que ça n'a plus d'importance, dans le produit, ils ont dit hada inshallah ta'ala, c'est possible. Mais en question de jeûne, ils n'annulent pas le jeûne, le maximum 95 degrés d'alcool. Naam, c'est beaucoup. Naam, 95 degrés d'alcool, c'est beaucoup. Hada, il faut inshallah ta'ala l'éviter au maximum. Mais si tu le fais, si tu le fais dans tes cheveux en plein Ramadan, il n'annule pas, le Ramadan et tu as les péchés de l'avoir mis sur la tête. Non, pourquoi? Parce que c'est presque 100% d'alcool. Il faut chercher, inshallah ta'ala, quelque chose d'autre qui réjouit Allah subhanahu wa ta'ala et qui en même temps donne les effets que tu veux sur tes cheveux sans qu'elles soient haram, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Un nom quelconque, tafadlal. Moi, quand j'enlève les points rouges et toi tu descends ceux qui sont en haut, tu mets dans ceux-là. Assalamu alaikum. Cher, ma question concerne les ablutions et plus précisément lorsque vous avez dit hier, vous avez dit hier qu'il fallait aspirer l'eau pour qu'il pénètre dans le nez. Lorsque je respire l'eau, celui qui me monte au cerveau, je le pique très fort. Est-ce que l'aspiration est obligatoire en période de jeûne et hors période de jeûne? Et si je me contente de mettre de l'eau sans l'aspirer, c'est bon. Naam. Si tu te contentes de mettre de l'eau sans l'aspirer, tu n'as pas fait ce que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car on doit diviser la chose en deux choses. Lorsqu'on n'est pas au Ramadan et lorsqu'on est au Ramadan. Lorsqu'on est au Ramadan, on doit aspirer. On a aspiré un peu exagéré. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa balir, balir fil istinshaq. Exagère. Il a dit exagère quand tu aspires. Sauf, il a dit, si tu es en plein Ramadan. Voilà. Illa ila kunta sa'iman. Même si tu n'es pas en Ramadan. Yani, sauf si tu as quoi? Tu as jeûné. Car si tu jeûnes et tu aspires comme ça un peu fort, tu vas faire rentrer de l'eau à ton ventre par ton nez. Mais si tu n'es pas au Ramadan, tu dois aspirer. Naam, il faut que tu sentes au moins, tu sens un peu tes narines qui te piquent. Quand tu tires comme ça avec tes narines, tu sens un peu que tes narines sont piquées. Maintenant, si tu mets seulement l'eau agda dans, et il touche le bout de ton nez, ou là tu le fais juste rentrer sans aspirer, celui-là, tu n'as pas fait les vraies ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala, alam. Naam. Al-Addin 93, tafadhal. Mais c'est pas comme tu as dit, toi, parce qu'elle me monte au cerveau, me pique très fort. Naam, c'est pas comme ça. Moi, peut-être quand j'ai dit comme ça, peut-être là, j'ai exagéré ou là je plaisantais ou là. C'est pas ce que je voulais dire. Yani, tu aspires un peu fort pour que tu sentes l'eau monter. Ça te pique un peu dans les narines, mais c'est pas jusqu'à ce que tu sentes l'eau rentrer, monter dans le cerveau. Si elle monte dans le cerveau, khlas, on devient fou, on sait plus ce qu'on fait. Al-Din, salam alaikum. Une femme enceinte qui craint pour sa vie celle de son enfant ne doit pas jeûner, mais doit-elle rattraper ses jours? Barakallahu fik. C'est pas la peine de rattraper ses jours. Al-Din, tu as le hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam chez Abu Daoud ou Nasa'i, authentifié par Sheikh Al-Albani, qui a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit inna allaha wada'a an al-musafir shatr salat. Allah azza wa jal a enlevé pour le voyageur la moitié de la salat. Et il a dit, il a terminé le hadith, wa anil hubla wal murdi'a as-siyam. Et il a dit, et aussi pour ce qui concerne celle qui a l'alet ou bien celle qui est enceinte, c'est pas la peine, il a dit, qu'elle fasse cela, qu'elle fasse yani le jeûne. Abdullah ibn Abbas a dit dans le hadith sahih, il a dit elle fait nourrir pour chaque jour qu'elle a mangé, elle doit nourrir un pauvre. Voilà. Mais c'est comme je viens de dire, à condition quoi? À condition qu'elle a peur pour son enfant, ou bien elle a peur pour elle, ou bien elle a peur pour les deux. Mais sans raison valable, si elle peut jeûner, elle est obligatoire, il lui est obligatoire qu'elle jeûne. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Abu Shayma, tfadl 40. Abu Shayma, tfadl. وحياك الله وزادك الله علما من يا رب. Je tiens à dire à tout le monde que celui qui a des gens sur la liste invite. Kifash puisse profiter du cheikh. Non. Si une femme doit rattraper un jour de jeûne obligatoire, disons, elle le rattrape un lundi, au milieu de la journée de lundi, elle a envie de manger. Car elle en a envie, et rattraper ce jour, une autre fois, est-ce que c'est possible? Si une femme doit rattraper un jour de jeûne obligatoire, disons non. Si une femme doit rattraper un jour de jeûne obligatoire, disons le lundi, au milieu de la journée, elle a envie de manger. Car elle a envie de rattraper ce jour. Une autre fois, est-ce que c'est possible? Non. À cette question, j'ai répondu pendant le dars. Peut-être que mon frère Abou Shaima, ou là, peut-être qu'il n'était pas avec nous pendant le dars. C'est pour ça que je le lui répète. Inch'Allah ta'ala. Il est interdit à quelqu'un qui rattrape un jour de manger ce jour. Non. Parce que le fait que tu rattrapes, ça veut dire. Ah, ma'alish, barakallahu fik. Ma'alish. Le fait que tu rattrapes le jour, ça veut dire que ce n'est pas la nafila. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire que tu es en train de rattraper. C'est pour ça que tu n'as pas le droit. Si tu commences, tu n'as pas le droit de le couper. Naam. Tu dois le terminer, c'est obligatoire. Sauf pour raison qui te dépasse. Sauf pour maladie, sauf pour. Là, tu peux plus, là, tu t'arrêtes. Mais quelqu'un qui peut, il doit le continuer. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire des dettes. C'est pour ça qu'une femme, vous savez que la femme n'a pas le droit de jeûner la nafila, sans demander à son mari. Vous savez cela. Une femme n'a jamais le droit de jeûner lundi, jeudi, ou la Arafat, ou la Ashura, sans demander l'avis de son parent. Sans demander la permission à son mari. Sauf bien sûr s'il est en voyage, ou sauf s'il est par exemple malade, elle sait que yani, il ne va pas la demander. C'est pour ça donc, si elle dit demain je vais faire un jour obligatoire, il vaut mieux qu'elle dise à son mari pour que le lendemain il ne commence pas à faire des mashakl, il ne commence pas à dire, demander des choses, alors qu'il sait qu'elle est en train de faire un jour obligatoire, et ce n'est pas un jour nafila. Naam. Quand j'ai vu ton nom Bouchima, tu m'as rappelé quelque chose. Vous voyez dans mon site, dans mon blog où c'est écrit avec Ibn Taymiyyah, j'ai mis un site là-bas, il s'appelle Al-Bayda. Il y a un site là-bas, quand vous rentrez, vous trouvez un site, ça s'appelle Al-Bayda. Quand vous rentrez dans ce site, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses très, très intéressantes, surtout pour les femmes. Les femmes, il y a des choses là-bas spécialement pour les femmes. Qu'est-ce qui est permis en question de parler? C'est moi qui t'ai envoyé. Ah voilà, c'est toi, Jazakallah khair. Justement, c'est ton pseudo qui m'a fait rappeler. Naam. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-bas. Il y a, en ce qui concerne les femmes, yani, qu'est-ce qui est permis, en ce qui concerne la salat, la femme, comment qu'elle s'habille, comment. Il y a beaucoup de choses très intéressantes pour les femmes, Inch'Allah ta'ala, et même pour les frères. Abou Mouad, tafaddal, barakallahu fik. Abou Mouad, alaykoum salam, fait-il partie de la sunna de rompre le jeûne avant le Aden? Et sinon, si le jeûne a été rompu avant le Aden volontairement, à cause d'une mauvaise compréhension, est-il valable? Abou Mouad, quand tu dis, et si le jeûne a été rompu volontairement, ensuite tu dis à cause d'une mauvaise compréhension, c'est un peu contradictoire. Je comprends ce que tu veux dire, mais question de ithm, yani à cause d'une mauvaise compréhension, ça s'appelle ta'wil, hein, celui-là il s'est trompé. Inch'Allah ta'ala, il est valable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien compris la chose, ou elle l'a comprise fausse, etc. Naam. Et il l'a rompu volontairement. Naam. Il l'a rompu volontairement. Celui-là il est valable. Son siyam est valable, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, est-ce que c'est de la sunna de rompre le jeûne avant le adhan? Toi, si tu sais que le soleil s'est couché et que le soleil, yani khlas, il s'est vraiment couché, tu peux manger. Mais seulement faut-il être sûr que le soleil s'est couché. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est pour ça que ils ont mis le adhan. Le adhan, c'est spécialement pour qu'ils te disent, moi je prends la responsabilité que le soleil s'est couché, tu peux manger. Et toi, si tu es comme ça, yani, au bord de la mer et tu vois, il n'y a pas de montagne, ensuite tu vois la roche se coucher, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucun problème. Comme le mu'adhan, il peut avoir l'azn. Non, le mu'adhan, pourquoi il appelle à la prière? Parce qu'il sait que le Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cher Inch'Allah arrive, il a eu quelques soucis de connexion. Inch'Allah, je vais vous passer un lien pour pouvoir enlever la publicité sur Paltalk sans programme. Il y a juste une manip à faire. Donc cliquez sur ce lien-là, et Inch'Allah, vous aurez plus de pub. Voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai appelé le cher, il ne va pas tarder à arriver, il y a des soucis de connexion. Donc veuillez patienter. Barakallahu fikoum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه شيء؟ نعم. جزاك الله خيرا. On est avec Ayouba. Ayouba, تفضلي. C'est quoi ta question, inshallah ta'ala? J'ai pas lu ta question parce que je me suis trouvé déconnecté. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله. Ma question est la suivante. Est-ce que le fait d'avoir une double intention pour le jeûne d'un seul jour a une origine dans le kitab al-sunna authentique? Par exemple, avoir l'intention de faire un jour surrogatoire et six jours de choual et avoir l'intention de rendre un jour de dette. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen ala rahmatullah a répondu sur cette question. Il a donné bien sûr un peu plus de détails que je ne vais donner. Mais il a dit en général la règle, c'est que quoi? Il a dit la règle, c'est dans l'islam, c'est que si l'adoration, l'ibada, est elle-même demandée, elle est demandée en elle-même, on ne peut pas faire deux intentions. Il a dit mais si elle n'est pas demandée pour elle-même, tu peux faire deux intentions. Il a parlé ici comme celle qui, par exemple, fait les dettes en même temps. Elle fait par exemple un jour de Shawwal. Il dit, ça marche seulement ici. Pourquoi? Ça marche seulement pour les dettes. Hein? Ça marche seulement pour les dettes. Parce que l'adoration des dettes ici, c'est quelque chose de demandé en elle-même. Tu peux faire deux l'akhor quand c'est pas demandé, quand l'adoration n'est pas demandée en elle-même. Je donne un exemple. Quand on rentre à la mosquée, on ne peut pas s'asseoir sans faire de rak'at. On ne peut pas s'asseoir. Mais ce n'est pas demandé en elle-même. Pourquoi? L'essentiel, c'est que tu ne t'assoies pas sans faire une prière. Maintenant, si tu fais le dhar, ou là tu fais l'asr avec l'imam, ce n'est pas la peine. Après, tu vas dire, je n'ai pas fait les deux prières de la mosquée, je vais la faire. Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose demandée en elle-même. Donc, toi, quand tu fais le dhar, dans le dhar, rentre aussi les deux rak'at. De quoi? De la mosquée. C'est pour ça que dans ce cas ici, c'est pas permis à la femme qu'elle fasse les deux intentions. Elle se suffit à l'intention de la dette qui est obligatoire. Mais il a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est par exemple Shawwal, et par exemple il tombe par exemple un lundi, tu joues entre les deux, parce que lundi Allah Azza wa Jal aime que tu fasses lundi et Shawwal il aime que tu fasses. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. سلام 57 تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Qu'est-ce qui a le plus de mérite? Jeûner 3 jours du mois lunaire ou jeûner tous les lundis, tous les jeudis? نعم. Si on compte le nombre, quand on jeûne tous les lundis et les jeudis, c'est plus. Pourquoi? Parce que compte les jours. Quand tu fais chaque lundi, chaque jeudi, tu as 2 jours par semaine. Ce qui te fait 8 jours par mois. 8 multiplié par 10, ça donne 80 jours. La Zohar t'écrit chaque mois que tu as fait 80 jours. Quand tu fais les 3 jours à dos par mois, il t'écrit que tu as fait 30. Donc, question de journée, question de, pardon, question de nombre, celui qui fait lundi et les jeudis, c'est mieux. Mais celui qui fait le 13, 14, 15, il a aussi quelque chose de mieux, il a une autre particularité, c'est d'avoir fait ces trois jours que Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on les fasse. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, j'ai oublié de donner un conseil très important, lequel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le Bukhari, كَانَ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا أَثْبَتَهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait quelque chose, il l'a commencé, il ne l'a laissé jamais jusqu'à la mort. C'est pour ça que je donne un conseil à mes frères et mes sœurs de ne pas yani, se précipiter au l'air ou le halas. Je vais commencer yani, lundi, jeudi, ensuite tous les trois l'akhar. Ensuite, il va faire deux ou trois mois, il va s'arrêter. Comme certains gens, ils ont la foi, alhamdoulilah, ils sont de la foi, ils disent khlas, à partir d'aujourd'hui, je vais manger un jour et jeûner un jour. Il va le faire maximum 6 mois, une année, ensuite il va dire non, c'est difficile. Bon, moi, je donne un conseil à mes frères et mes sœurs, de commencer par exemple par les 3 jours lunaires, s'il peut. S'il voit qu'il peut, là ça a marché, alhamdoulilah, une année ou la 2 années, il les fait toujours, alhamdoulilah, mashallah. S'il veut maintenant, il ajoute, naam, il ajoute par exemple lundi, jeudi ou là, alhamdoulilah, c'est mashallah. Naam, Indi, naam, après le dars, inshallah ta'ala, on se rencontre. Voilà ce que je voulais dire, inshallah ta'ala. Naam. Donc, un conseil, yani, même si tu fais un jour par mois, essaye de, yani, de ne jamais t'arrêter. Donc, toi, tu choisis. Ou bien tu fais maintenant seulement 3 jours, et c'est, inshallah ta'ala, très suffisant. Tu fais 3 jours par mois, les lunaires. Là, je vais t'écrire comme si tu as fait toute l'année. Maintenant, si tu peux plus, tu veux faire tous les lundis et les jeudis, fais-les, mais ne t'arrête pas jusqu'à la mort, sauf s'il y a bien sûr des causes. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Abu Bu'alam, tafaddal Abu Bu'alam, tafaddal. Abu Bu'alam n'a pas posé de question. Je lis une question d'une sœur qui dit, salam alaykoum, j'aurai 2 questions à vous poser. La première concernant le mariage. Je voulais savoir si un tuteur est obligatoire si la femme avait déjà été divorcée. Il y a une femme qui a déjà divorcé. Est-ce qu'elle a besoin d'un tuteur ou elle n'en a pas besoin? Et la deuxième, c'est une rumeur qui court en France sur le mariage temporaire. Il y a beaucoup de frères qui font beaucoup de mariages temporaires. Soit disant, il y a un fatwa de Cheikh Ben Baz ou de Cheikh Al-Usaymin, rahimahullah. J'aimerais savoir s'il y a un délil sur ça, car je connais des sœurs qui ont peur de se marier, barakallahu fik, ya Cheikh, que Allah vous récompense, etc. Naam, en ce qui concerne la première question, est-ce qu'une femme qui s'est déjà mariée, elle a besoin d'un tuteur pour se remarier? Naam, obligatoire. S'il n'y a pas, on lui cherche. Mais elle ne peut pas se marier sans tuteur, si elle en a un. Et beaucoup se trompent, croient que si elle est mariée déjà, khalas, elle peut, yani, ne pas avoir de tuteur. Ça, c'est pas vrai. Ceux-là n'ont pas compris le hadith. Le hadith a dit seulement que celle qui s'est déjà mariée, ça veut dire que, yani, quand tu lui demandes son avis, il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle dise carrément, j'accepte ou là, je n'accepte pas. Comparé à celle qui s'est jamais mariée, on se suffit seulement si elle se tait. Si elle se tait, ça veut dire elle a honte, elle a accepté. Khalas. C'est pas la peine qu'elle dise j'accepte cet homme. Mais la mariée, celle qui s'est déjà mariée, il faut qu'elle parle. Pourquoi? Car elle s'est déjà mariée, elle n'a pas honte. C'est pas comme l'autre qui s'est jamais mariée, elle a honte devant son père ici. L'autre, elle s'est déjà mariée, elle n'a plus honte, elle parle. Elle dit je veux pas ce bon homme, etc. En mohim. Donc, il faut un tuteur pour toutes les femmes, mariées et non mariées. Et la deuxième question, elle a dit, il y a beaucoup de frères qui se marient temporairement, etc. Est-ce que c'est valable, etc. Je dirais, alhamdoulilah, sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ben Baz, quand il a dit ça, beaucoup n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Et alhamdoulilah, Cheikh Ben Uthaymin a bien fait comprendre ce qu'il voulait dire. Et j'ai même entendu certains dire, Wallahu alam, si c'est vrai, ils ont dit que même Cheikh Ben Baz, quand il a dit ça, à la fin de sa vie, yani, il s'est désisté. n'a plus dit cela. Yakillahu ta'ala alim. Supposons maintenant qu'il ait dit cela. Cheikh Ibn Uthaymeen a bien montré c'est quoi le mariage dont Cheikh Ibn Baz a parlé qui est valable. C'est quelqu'un qui est dans un pays, par exemple, il est dans un pays, ensuite il se dit, maintenant moi j'ai pas de femme et ça, je me marie avec une femme. Mais si, lorsque je vais aller dans mon pays ou là, elle veut pas partir avec moi par exemple, moi je la divorcerai, je dis la vérité, je la divorcerai, je vais chez moi. Donc, il a dit, il y a une différence entre celui, il a dit comme font maintenant les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Il va spécialement dans un autre pays, il va d'Algérie, en France ou là en Amérique, avec l'intention de se marier là-bas temporairement, et ensuite, quand il revient dans son pays, il se marie. Il a dit, ça c'est haram. C'est pas comme ça qu'a voulu dire Cheikh Ibn Baz, rahmatullah. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, a dit, ça c'est de la tricherie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, est-ce que toi tu accepterais qu'on fasse cela à ta soeur et à ta fille? Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, est-ce que tu veux toi que quelqu'un vienne demander ta fille, il a dans sa tête que dans 2 mois il va la divorcer. Ensuite toi tu te prépares et le mariage et les invités et les gens et l'argent je ne sais pas combien de millions. Ensuite dans une semaine il téléphone, il dit non j'ai déjà divorcé, c'était juste pour passer quelques jours. Tu accepterais qu'on fasse ça de ta fille et de ta soeur? Tu n'acceptes pas, c'est sûr. La même chose, tu ne seras jamais croyant jusqu'à ce que tu aimes pour les gens ce que tu aimes pour toi. Quiconque fait cela, il a triché, naam. Maintenant, si tu te maries, tu dis moi je me marie, mais si ça ne marche pas, je divorce, là c'est fermé. Car tu n'as pas fait l'intention, tu n'as pas dit je vais divorcer. Tu as dit si ça ne marche pas, je divorce. Naam. C'est normal, marie-toi, on va voir après. Si ça ne marche pas, divorce, même le lendemain, divorce. Si ça ne marche pas. Naam, voilà la réponse Allah Ta'ala de la question. C'est pour ça que j'ai dit aux sœurs, ne te précipite pas, ne te presse pas beaucoup pour le mariage, tu tombes sur ta tête. Quand il y a quelqu'un qui vient, tu essaies de demander qui est-ce qui le connaît. Tu demandes même à lui, qui est-ce qui te connaît? Quels sont les gens qui te connaissent? Pour que je demande à ces gens, vraiment tu es quelqu'un de sérieux, de quelqu'un qui veut s'amuser et qui, une semaine après, il dit, voilà, j'ai divorcé. Mystérie, ta femme va le mystérie. Mystérie, j'ai pas répondu à Ousmane, à Abu Mohamed, je crois, ou Abu Boualam. Naam, wa alaykoum salam. Je voudrais savoir, pour le mois de Chaban, si on a le droit de jeûner toute la semaine, on doit faire un jour oui, un jour non. Et pour Shawwal, c'est pareil. Pour les jeunes 6 jours après l'Aïd et aussi le samedi, on doit le faire ou pas voir Allahu Akbar. 3 questions difficiles. Je voudrais savoir pour le mois de Shaban. Naam, c'est la même chose, je crois. Naam. Bon, on va commencer par tu avais dit, je voudrais savoir pour le mois de Shaban, si on a le droit de jeûner toute la semaine, on doit faire un jour oui, un. Non, c'est pas obligé de faire un jour oui, un jour non. Naam, pour le mois de Shaban, si tu veux, si tu es du genre qui dit que on peut jeûner le samedi, tu peux jeûner les 15 jours consécutifs. Naam, si tu dis qu'il est permis, comme certains disent, comme beaucoup disent, il est permis de faire le samedi, dans ce cas, tu fais 15 jours consécutifs. Si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes le 16e jour. Maintenant, si tu es du genre comme l'Albani qui a dit on jeûne pas le samedi, sauf si c'est obligatoire, donc tu peux faire 6 jours et tu t'arrêtes le samedi. Ensuite 6 jours et tu t'arrêtes le samedi. Et comme ça, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est pareil pour Shawwal. Naam, pour Shawwal, c'est mieux, comme j'ai dit, c'est de les commencer le 2e jour, juste après l'Aïd, tu les commences. Sauf si tu prends de l'avis de l'Albani, tu fais pas si c'est un samedi. À chaque fois que le samedi arrive, tu manges et tu continues le dimanche. Si tu prends de l'avis de l'Albani qui dit on ne jeûne jamais le samedi. Si tu prends le deuxième cas, si tu es de ceux qui disent on peut jeûner le samedi, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Ibn Baz et tous les autres, dans ce cas, tu jeûnes les 6 jours consécutifs, Inch'Allah Ta'ala. Wallah Subhanahu wa Azzawajal, A'lam. Mystérie, wa alaykoum salam. C'est une question pour un frère qui veut savoir ceci. Donc son patron lui devait de l'argent de son travail. Mais le problème est que le frère s'est énervé car son patron ne voulait pas lui rendre son argent. Donc il a cassé sa voiture et après cela son patron lui a donné son argent. Donc il veut savoir s'il doit réparer la voiture son patron ou pas. C'est normal. Nan. S'il a cassé la voiture, il doit la réparer, sauf si le patron lui dit khalas, ça ne fait rien. Nan. Car c'est maintenant le patron, c'est lui qui doit maintenant de l'argent au patron. Nan. Tout ce qu'il lui a cassé, il doit le lui réparer ou lui donner la somme nécessaire qui en contrepartie pour ce qu'il a cassé. Sauf si le patron lui pardonne, sauf s'il lui dit classe, j'ai pas besoin d'argent, c'est moi qui vais réparer, ou là ce n'est pas grave, etc. Donc tant qu'il lui pardonne pas, il est obligé de lui réparer la voiture. Bi'idnillah subhanahu wa azawajal. Naam. Umu Luqman, tafadali. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma khair hayyakum Allah. Ma question pour sur le jeûne, bi'idnillah subhanahu wa azawajal. Naam. Pour le jeûne. Si on jeûne un jour de jeûne surérogatoire, nafila, et qu'on est alors invité par la famille, doit-on leur dire qu'on est en état de jeûne ou bien leur chercher une autre excuse sans mentir? Car on a peur de tomber dans un acte d'ostentation en disant qu'on jeûne, car cela ne regarde que nous et Allah Azza wa Jal, que doit-on embarquer? Naam. Ici, Umu Luqman, ici, toi tu as le hadith. Tu as le hadith qui est sahih, qui est authentique, inshallah ta'ala. Naam, tamla, 5 minutes. Hein. Qui est authentique, qui te dit quoi? Il te dit que quand quelqu'un fait le jeûne et quand on l'invite, il choisit entre deux choses. Ou bien il mange, ou bien il leur fait les doigts. Et s'il leur fait les doigts, ça veut dire qu'il doit leur dire que je suis saïm. S'il dit je suis saïm, il n'est pas rentré dans l'ostentation. Parce que, pourquoi? Parce que il n'a pas fait exprès. Ça veut pas dire ils l'ont invité, ensuite il a dit ah, puisqu'ils m'ont invité samedi, alors samedi, je vais jeûner. Non, si tu as fait ça, c'est de l'ostentation. Maintenant, non, toi, tu avais déjà commencé le jeûne et on t'a invité. Donc là, tu y vas et tu choisis entre deux choses. Ou bien tu manges, ou bien tu manges, ou bien tu leur fais des doigts, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, bien sûr, s'ils ont fait des choses spécialement pour toi, tu dois manger. S'ils t'ont invité toi seulement et tu leur as pas dit pardon, je suis saïm, je peux pas venir, ou là, ça veut dire tu vas y aller. Dans ce cas, tu, de préférence, tu dois manger, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de préférence, inshallah ta'ala, tu manges. Et Allah Azza wa Jal t'écrira bien sûr, comme si tu avais fait le jeûne, parce que l'a'mal bin niyat, naam. Jhaf tafadl, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Le temps que Jhaf pose la question, quelqu'un a dit ma mère est malade et suit un traitement pour soigner ses problèmes psychiatriques peut-être. Ma mère est malade et suit un traitement pour soigner ses problèmes psychiatriques. Elle ne peut pas se passer de ses médicaments pour le moment. Naam. Elle n'a pas pu jeûner ces deux derniers ramadans. Naam. Et nous ne savons pas pour combien de temps elle devra suivre ce traitement, 3 ans, 5 ans, Allahu a'lam, vu que pour l'instant sa maladie n'a pas l'air de s'améliorer. Sachant qu'elle n'a pas pu jeûner pendant 2 et probablement aussi ce prochain ramadan, que doit-elle faire? Naam. Puisque à 70% ou à 80%, cette femme, si tu sais toi à 70% ou 80% que c'est le genre qui ne peut pas faire après, et que c'est le genre que la maladie qui est difficile à guérir ou là qui ne guérit pas, des maladies qui ne guérissent pas pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la robe. Si tu as 70%, 80%, tu sais que même peut-être si elle guérit, c'est difficile pour elle, déjà tu commences à nourrir pour les deux ramadans qui sont passés, c'est-à-dire tu as 60 personnes à faire nourrir. Naam, 60 personnes à faire nourrir, et pour ce ramadan tu ne nourris personne. Pourquoi? Parce que le ramadan n'est pas encore entré, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer d'ici demain. Tu attends que le ramadan se termine et tu vois la même chose. Si ça s'est amélioré, alhamdoulilah, si ça pas, il n'y a pas d'amélioration, tu nourris 30 personnes pour le mois qui va venir, Inch'Allah, subhanahu wa azzawajal. Naam, Tchafa dit, salam alaikum, je voudrais savoir si on doit faire la prière du Sop juste après Fajr ou doit attendre quelques minutes, jazakumullah khairan. Naam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de, quand tu entends le adhan, quand tu entends l'appel à la prière, si la mosquée n'est pas loin, qu'est-ce que tu fais? Tu commences par le Fajr à la maison. Tu fais le Fajr à la maison et tu vas à la mosquée pour faire la prière obligatoire, ce qu'on appelle le Sop. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, quand il faisait le Fajr, il se mettait sur son flanc. Yani, kana yaztaji ala yamine. Il se mettait sur son flanc et attendait un peu pour qu'il fasse la prière du Sop. On ne doit pas coller les deux prières. Entre la prière Sop, le Fajr et Sop, on doit attendre yani, un peu. Maintenant, comme dans nos temps, il est préférable d'attendre au moins, si on fait les deux à la maison, naam, si on fait les deux à la maison, tu attends au moins 20 minutes. Si tu es en Europe, tu attends au moins 20 à 25 minutes pour faire un Sop. Naam, tu fais pas, yani, parce que la plupart des pays maintenant, ils n'appellent pas à la prière du Sop en son heure exacte. Pour ça, tu attends 20 à 25 minutes, inshallah ta'ala, pour faire la salat du Sop. Naam. Muslim normal, tafadhal, muslim normal. Quand je vois muslim normal, ça me fait penser à quelque chose. Je demande à mes frères ici et mes sœurs, ceux qui ont enregistré mes doros de Aqida. Je parle de Aqida, pas de fiqh. J'ai fait 7 cours, jusqu'à présent j'ai fait 7 cours de Aqida. Moi j'ai enregistré le dernier Hada de vendredi passé. À partir de vendredi passé, j'ai commencé à enregistrer. S'il y a quelqu'un, inshallah ta'ala, qui a les 6 cours, naam, s'il y a quelqu'un qui a les 6 cours à dos, il peut me les donner et ils sont bien enregistrés. Je lui dis barakallahu fik, parce que j'ai envie de les mettre yani, dans un, ce qu'on appelle un P3, je ne sais pas comment ça s'appelle. J'ai envie de les grouper. Inch'Allah ta'ala, je parle de la Aqida et je parle des 6 doros qui sont passés, s'ils sont nets, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Muslim normal a dit, assalamu alaikum, je voulais juste dire que l'étude qui avait été faite au sujet de la pleine lune, naam, s'est faite un week-end. Donc c'est pour cette raison que les crimes et délits sont en forte hausse. Et la lune n'a rien à voir avec ceci. Cela relève plutôt du shirk. Wallahu alam. Ma question est la suivante. Une femme qui a ses règles peut faire le lavage du mort. Un muslim normal, ça relève pas du shirk. Barakallahu fik. Ça n'a rien à voir avec le shirk. Naam, ça n'a rien à voir avec le shirk. Ceux qui ont fait cette étude, ce sont des musulmans et ce sont des ulamas. Ce ne sont pas des Européens ou là qui ont fait cette étude. Ce sont des ulamas, ce sont des musulmans et ils ont trouvé que le 13, 14, 15, quand c'est la pleine lune, elle a quoi? Elle a quelque chose. Toi tu dis c'est du shirk. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, quand il voyait la lune comme ça blanche, qu'est-ce qu'il disait? قل اعوذ برب الفلق ان يحدث من قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق الى وقب ان يحدث سي كوا الغاسق الى دي سي لا لون هذه كنت هذه بلان كوم سا il disait اعوذ بالله منها نعم pourquoi ça aussi c'est du shirk quand il voyait le prophète sur la lune il disait dua la peur de la lune parce que ils ont trouvé que elle a un effet même sur la mer ce qu'on appelle le flux et le reflux. On est à pleine lune. D'ailleurs, la lune, elle a une grande influence sur beaucoup de choses. Naam, ça peut influer sur toi, comme le soleil. Le soleil peut influer sur toi et c'est pas du shirk. Tu restes beaucoup sous le soleil, tu as ta tête qui tourne. Et tu as mal et tu dois prendre des médicaments. Tu restes à 40 sous le soleil. C'est la même chose, la lune, il y a des effets spéciaux qui viennent d'elle. Wallah subhanahu wa ta'ala. Ma question est la suivante. Une femme qui a ses règles, peut-elle faire le lavage du mort? Naam, ça n'a rien à voir avec le lavage du mort. Soit en étant en règle ou sans les règles. Elle peut faire le lavage du mort. Ce qu'on ne peut pas, c'est que quand quelqu'un a fait le rapport avec sa femme, la nuit par exemple, le matin s'il a un mort, de préférence, c'est pas il ne le lave pas, mais il ne le fait pas descendre dans la tombe. De préférence, il ne le fait pas descendre dans la tombe, il laisse un autre le faire descendre dans la tombe, inshallah ta'ala, c'est comme ça qu'a dit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il lui 91 tafaddal. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi. Cheikh, j'ai entendu parler qu'il y avait une banque musulmane en France où on pouvait acheter une maison ou autre sans faire de crédit. Est-ce possible? En avez-vous entendu parler? Barakallahu fik. Je n'ai jamais entendu parler de cette banque, étant donné que je ne suis pas en France. Mais vous pouvez demander là-bas, vous pouvez demander aux gens yani, qui sont tséra, aux gens qui sont pieux, aux gens qui ont du ilm, etc. Ils vous diront si cela est vrai ou pas. Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de cela. Naam. Et les ulama, quand ils parlent de la banque, ils ont peur aussi. Et des fois, quand tu laisses ton argent là-bas, des fois, quand tu laisses ton argent, eux, ils s'en servent. Yani, ils le prêtent avec des intérêts. Toi, tu laisses ton argent, tu dis, moi, je prends pas de l'intérêt. Mais eux, avec son argent, ils le prêtent à d'autres gens et ils prennent de l'intérêt. Donc, tu demandes, Inch'Allah Ta'ala, et Inch'Allah Ta'ala, on te donnera la réponse. Je ne connais pas cette chose. Fikra barakallah. Naam. Youssef 772, tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est Abdul Ghani. Je voulais savoir, le jeûne de Daoud est-il conseillé? Si oui, comment faire quand ça tombe un vendredi et qu'on ne peut pas jeûner vendredi seul? Naam. Le siyam de Daoud est conseillé. Naam, il est conseillé. Maintenant, si tu prends de l'avis de Cheikh Al-Albani rahmatullah, il est conseillé, mais s'il tombe le samedi, tu peux pas. S'il tombe le samedi, tu manges le samedi, d'après Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. D'après les autres, c'est normal que tu, yani, que tu fais le jeûne le samedi, si tu as mangé le jeudi, le vendredi, pardon, tu jeûnes le samedi. Maintenant, en ce qui concerne le vendredi, naam, en ce qui concerne le vendredi, il est makruh de le faire seul. Il est makruh de le faire seul. S'il tombe un vendredi, s'il yani, tu dois jeûner un vendredi, à cause de lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas jeûner aussi le jeudi. Tu fais des calculs. Tu dis le vendredi, ça va tomber un vendredi de siyam, donc je vais faire avec lui le jeudi. Non? Ou bien, si tu prends de l'avis des autres aussi, au lieu de faire le jeudi, tu dis je vais faire le vendredi et samedi. Non? Tu dois faire des calculs. Calculs pour ne pas faire le vendredi seul. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non? Abu al-Qasim al-Amin, tafaddal. On va arrêter Inch'Allah. Déjà 15 minutes, on va arrêter. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Cheikh, tout à l'heure vous avez parlé du jeûne des 6 jours après Ramadan. Mais la fête du mois de Ramadan, elle est célébrée pendant 3 jours à partir du 1er de Shawwal. Donc, est-ce qu'on doit jeûner à partir du 2e jour après l'Aïd ou on doit attendre 3 jours? Et ma deuxième question, elle est la suivante. Doit-on rembourser les gens qui nous devaient de l'argent avant d'avoir fait Tawba et d'avoir pris le droit chemin? Voilà. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En ce qui concerne la première question, naam, en ce qui concerne la première question, si j'ai bien entendu, naam, si j'ai bien entendu, tabarakallah, si tu as bien entendu la question, la première question, est-ce qu'il a dit, est-ce qu'on commence au deuxième jour pour Shawwal? On commence. Est-ce qu'on a le droit de commencer au deuxième jour après l'Aïd? Dis-moi si c'est l'Aïd de 3 jours. Non, ça a coupé. L'Aïd de 3 jours. Naam. L'Aïd de 3 jours. Non, j'ai pas compris ce que ça veut dire l'Aïd de 3 jours. Abu al-Qasim, reprends le micro. Barakallahu fik. Reprends le micro. Repose la première question. Je n'ai pas bien entendu. Salam alaikum wa rahmatullah. Question est la suivante. La fête du Eid al-Fitr, elle est célébrée en 3 jours, à partir du 1er de Shawwal. Donc il y a 3 jours. Est-ce qu'on doit jeûner après ces 3 jours-là de fête ou doit-on jeûner après juste l'Aïd al-Fitr? Est-ce qu'on doit jeûner après Aïd al-Fitr ou doit-on jeûner après les 3 jours de fête? Et ma deuxième question, est-ce qu'on doit rembourser les gens qui nous devaient de l'argent pendant l'époque de la Jahiliya, après qu'on ait fait Tawbah, même si est-ce qu'on doit essayer de les retrouver et de les rembourser? Voilà. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, inshallah ta'ala, te corriger une seule chose. Naam, je voudrais te corriger, inshallah ta'ala, une petite chose. C'est que le jour, pardon, l'Aïd, le petit, Aïd al-Fitr, ce n'est pas 3 jours. C'est seulement 1 jour. Faudrait bien que mes frères et mes sœurs sachent cela. L'Aïd, il y a deux Aïd, ça. Il y a le petit, celui d'après le Ramadan. Ce n'est qu'un seul jour, c'est pas 3 jours. Et l'autre, Eid al-Adha, c'est 3 jours. Les 3 jours s'appellent Ayyam Tishriq. Mais celui de Ramadan, il y a un seul jour. C'est pour ça que tu peux jeûner le deuxième jour. Le deuxième jour, tu commences à jeûner en ce qui concerne Eid al-Fitr. Aujourd'hui, c'est terminé le Ramadan. Demain, c'est l'Aïd al-Fitr. On va tous manger et faire la prière de l'Aïd. Le lendemain, tu peux commencer à jeûner, inshallah ta'ala. Mais pour le grand Aïd, l'Aïd al-Adha, où il y a le mouton, celui-là, il est interdit de jeûner les 3 jours. Naam. Voilà. Et la deuxième question, Allah subhanahu wa ta'ala nu'aynani, parce que je l'ai oublié. La deuxième question, je l'ai oublié. Je suis en train de penser à la deuxième question. Naam. Tamallah, c'est quoi la deuxième question? La hawla wa la quwwata illa billah. Peut-être quand je commence à fatiguer, je commence à oublier. C'est quoi la deuxième question, Abou Al-Qasim? Ah, naam, doit-on rembourser? Naam, jazakallahu khairan. Naam, doit-on rembourser les gens qui nous devaient de l'argent? Naam, de là, la Tawba est la vraie, pour qu'elle soit acceptée vraiment chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois rembourser ce que tu as pris. Naam, c'est ça la vraie Tawba. Naam, quand quelqu'un, tu as fait quelque chose et tu as cet argent, tu as, c'est possible, mais il est encore avec toi. Et que tu sais que, donc il faut les chercher, ça. Les gens. Non, il faut pas les chercher, il faut yani, faire des calculs, etc. Non. Je parle pas des gens auxquels tu as pris yani, un euro, là. Je te parle s'il y a des gens qui, par exemple, t'ont prêté de l'argent, etc. Et tu sais où ils se trouvent. Ceux-là, tu les contactes. Et que tu as l'argent aussi, tu les contactes et tu leur donnes leur argent. Maintenant, il y a autre chose. Tu peux, par exemple, les contacter pour leur dire seulement, par exemple, de te pardonner. S'ils veulent te pardonner, c'est pas la peine de leur donner de l'argent. Tu leur dis, voilà, autrefois vous m'avez passé de l'argent, je ne l'ai pas rendu, je sais ça. S'ils te disent, là, j'en ai pas besoin, tu dis, barakallahu fik. Surtout si la somme est assez importante. Si c'est ça comme ça, des futilités ou là, ça n'a pas d'importance. Mais si c'est des sommes importantes, ou là par exemple quelqu'un, je donne un exemple, quelqu'un a volé par exemple, ou là a pris à quelqu'un une chaîne d'or, il lui a pris une chaîne d'or, après il a fait la Tawba. Cette chaîne d'or, elle est maintenant chez toi. Donc tu dois la rendre à son propriétaire. La voiture, elle est chez toi, tu la rends à son propriétaire. Maintenant la chaîne d'or, tu n'as pas trouvé son propriétaire, tu la donnes en aumône, tatasaddaq biha bi niyyat al-akhar, avec l'intention de l'autre. Inch'Allah ta'ala, yani, ça rentre inch'Allah ta'ala dans la Tawba. Mais je te dis pas yani, d'aller t'asseoir et prendre un carnet et d'essayer de chercher quels sont les gens, qu'est-ce que j'ai fait autrefois, etc. Khalas, la Tawba a annulé ce qui s'est passé. Et s'il y a des choses comme ça grandes et visibles, ben, inch'Allah ta'ala tu les fais. Allah Azza wa Jal a'lam, nasiha lillah, tafadlal. Naam, il reste 10 minutes, inshallah. Naam, khlas. 10 minutes et ferme la salle si tu veux. Salamu alaikum. Un frère qui porte la barbe, mashallah, bien garni. Il a des problèmes de peau. Des plaques rouges sur son visage apparaissent, il l'irrite. Sans savoir à 100% si c'est au port de la barbe, puisqu'il l'a rasé pour être sûr que le problème vient de la barbe ou non. Ou ses chers continuent-ils d'écho que fait Ramadan. Je relis la question. Un frère qui a la barbe, inchallah, a des problèmes de peau, des plaques rouges sur son visage apparaissent et l'irritent sans savoir à 100% si c'est au port de la barbe. Puisse-t-il raser la barbe pour être sûr que le problème vient de la barbe ou non, chef? Non. En ce qui concerne les doros de Ramadan, Inch'Allah ta'ala fait Ramadan, je ne serai pas ici. Inch'Allah, je ne serai pas ici dans ce pays. Mais dans le pays où je vais être, si je trouve l'internet à la maison, Inch'Allah ta'ala, j'en ferai. Si je trouve que je ne peux pas me connecter, je n'en ferai pas. Donc cela, c'est d'après, Osmo, d'après le blog. Vous voyez dans le blog, dans les messages. C'est écrit, vous trouverez dans les messages, il y a un dars, Inch'Allah, jeudi prochain, ou là, il n'y a pas, etc. Pour entrer dans les messages, vous lisez, Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne Ramadan. Quand j'arriverai là-bas, je vois s'il y a l'internet, c'est facile, ou là, c'est difficile. C'est pour ça que je dis à mes frères et mes sœurs que le premier mois, c'est pas la peine de me poser des questions sur les emails, parce que peut-être je vais pas ouvrir la porte pendant un mois. Alors les questions, vous savez qu'elles restent un mois et elles s'effacent. Naam. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Naam, pour les plaques rouges, mon frère, tu ne peux pas raser ta barbe. Il faut que ça soit un médecin. Thiqa, comment on dit en français? Il doit être thiqa, qui te dise que les problèmes, c'est à cause de la barbe. Quand il te dira les problèmes, c'est à cause de la barbe, et tu dois enlever la barbe pour mettre des médicaments, là, la pommade ou là, ça c'est autre chose. Mais quand toi-même, tu te dis, je vais voir si c'est la barbe, et tu vas enlever, tu peux pas. Il faut l'avis du médecin, le dermatologue, le spécialiste. Un spécialiste dermatologue, spécialiste de la peau, c'est lui qui te donnera son avis, Inch'Allah Azzawajal. Abou Mariam, tafadhal. جزاك الله خير أحبك الذي أحببتني فيه بارك الله فيك أبو مريم السلام عليكم يا شيخانا la dernière fois je suis arrivé en retard à votre cours. Vous parliez du sujet de la mer. Vous avez cité le hadith que le paradis sous le pied de la mer selon la version du compagnon qui voulait aller faire le djihad. Je voulais savoir est-ce que ceci s'applique même pour la mer qui n'est pas pieuse, qui ne fait pas la salat, ou bien est-ce en général? Bارك الله فيك. Non. La mer en général, elle a quoi? Elle a cette particularité que Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Pourquoi? C'est pas seulement question de piété ou pas de piété. C'est une question de, elle a souffert pour te faire venir au monde. Ensuite, quand tu es venu au monde, elle a souffert pour t'élever. Elle a beaucoup souffert. Nous, quand on dormait la nuit, elle était yani, éveillée, elle était en train d'allaiter, elle était en train de te laver, elle était en train... Beaucoup, beaucoup de problèmes. C'est en ce sens que il faut maintenant, yani, tu peux jamais lui rendre l'appareil, mais il faut lui obéir, il faut, etc. Maintenant, si elle est pieuse, yani, ses droits vont doubler, tripler, quadrupler, etc. Non, ils vont doubler, tripler, quadrupler. Mais si elle n'est pas pieuse, ou elle ne fait pas la salade, etc., mais elle est toujours ta mère. Ça veut dire, si elle a besoin d'argent, tu dois lui donner. Si elle te dit, va m'acheter ceci, tu vas lui acheter. Pourquoi? Parce que ta mère reste toujours ta mère, même si elle est kafira. Maintenant, quand elle n'est pas pieuse ou elle ne fait pas la salat ou là, je lui obéis. Si elle est injuste, naam, c'est toujours ta mère, même si elle est injuste. Tu lui obéis pas seulement quand elle te dit de faire le haram, ou bien elle te dit, ne fais pas le halal. À quelque chose d'obligatoire, elle te dit ne la fais pas à cause de moi, tu lui dis non, barakallahu fik. Ou bien elle te dit fais le haram. Naam, bois l'alcool, marie-toi avec une fille, avec une femme qui met la mini-jupe, marie-toi sinon je t'aime pas. Tu lui dis non, ma mère, pardon, tu m'aimes ou tu m'aimes pas ici, ça n'a rien à voir. Allah Azza wa Jalla m'a dit c'est interdit de me marier avec une femme personne, une femme comme cela. Donc c'est loin d'elle car elle fait trop de soucis. C'est trop de machakil. Naam, éloigne-toi d'elle. Naam, tu t'éloignes sans couper les liens. Et il faut que ton éloignement d'elle ne lui fasse pas des problèmes. C'est-à-dire, si elle est seule, il n'y a pas celui qui l'a fait manger, il n'y a pas celui qui la soigne, etc. tu n'as pas le droit de t'éloigner d'elle, même si elle est une kafira. Non, tu t'éloignes d'elle s'il y a ton frère ou là son mari ou là qui est avec elle, lui donne à manger, etc. Si elle est seule et elle risque de mourir, etc., tu es obligé d'être avec elle, Inch'Allah subhanahu wa azzawajal. Naam. Pouzi 93, tafadhal. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, prouve par 10 délits du Coran de la Sunna que le soleil tourne autour de la terre. Y a-t-il l'istim ulama? Dans une question précédente, peut-être la différence entre soupe et fajr, mais c'est pas la même chose. Soupe et fajr, ok. Naam, jazakallah. En ce qui concerne la Pouzi 93, hein? C'est pas Abou Mariam, je parle là. Naam. Fouzi. Sah, Cheikh Ibn Uthaymeen a donné ses délits. Naam. Et moi, jusqu'à présent, je n'en suis pas encore convaincu. J'ai lu les délits de Cheikh Ibn Uthaymeen, Ahmadullah, j'ai lu ce qu'il a dit, et je ne suis pas encore convaincu. Naam, j'ai lu ses délits, mais je ne suis pas encore convaincu. Pourquoi? C'est pas parce que yani, je dénie le Coran ou la Sunna, non, mais je dis peut-être leur sens n'est pas comme ça. Peut-être que leur sens ce n'est pas comme ça. C'est à peu près comme les ulama qui ont dit par exemple que personne n'est monté sur la lune. Et je crois, si je n'ai pas oublié, je crois que Cheikh Ibn Baz a dit aussi cela. Ça, moi aussi, je ne suis pas convaincu. Naam. Il dit c'est impossible que quelqu'un monte sur la lune. Il dit c'est impossible. Il dit s'il sort du ciel pour monter vers la lune, Allah Azzawajal va le frapper avec le rujum, etc. Comment dit Allah Azzawajal, la tenfudun illa bi sultan. Yani, personne ne peut sortir du ciel. C'est comme ça qu'a dit Cheikh Shankhiti. Et pourtant, je ne crois pas que maintenant il y a quelqu'un qui puisse dire qu'ils ne sont pas montés sur la lune. Et toi, tu le vois comme ça devant tes yeux, yani, qu'ils sont montés sur la lune et qu'ils ont ramené des cailloux, etc. Et que la lune n'a rien à voir avec monter chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on monte sur la lune, on n'est pas monté chez Allah subhanahu wa ta'ala et on n'est même pas rentré dans le premier ciel. On est là juste au-dessus de notre tête. On est là juste au-dessus de notre tête. Maintenant, en ce qui concerne le soleil et l'autre, qui est-ce qui tourne? Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Moi, j'ai toujours pensé que c'est le contraire, mais maintenant je m'arrête jusqu'à ce que inchallah ta'ala je sache exactement est-ce que Cheikh Ibn Uthaymeen c'est lui qui a raison ou bien les autres. Je voudrais inchallah ta'ala, pour l'instant je n'ai aucun avis, je suis au milieu inchallah ta'ala. Lorsque j'ai lu ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, j'ai dit je m'arrête au milieu jusqu'à ce que je sois sûr qu'est-ce qui est le plus vrai inchallah ta'ala. Naam, en ce qui concerne le subh et le fajr, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tantôt il parle du subh, tantôt il parle du fajr. Naam. Tantôt, lorsqu'il parle de l'obligatoire, il dit salat subh ou l'asr. Men salla al-bardain dakhala al-jannah. Subh ou l'asr, il appelle subh. Et Allah Azza wa Jalla a appelé fajr dans le Coran. Il a dit wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Il a appelé fajr. Même il y a des hadiths où il appelle fajr. Donc, tantôt tu appelles salat al-subh, tu l'appelles subh ou tu l'appelles fajr, les deux, il y a des délits. Et l'autre, on l'appelle la sunna. On l'appelle la sunna du fajr. Et même le hadith l'a appelé, une fois il l'a appelé le fajr, salat al-fajr. Ça veut dire la sunna. C'est pour ça qu'il faut être très clair quand tu parles avec des gens de cette salat. Naam, quand tu parles de cette salat, des fois toi tu dis subh et eux ils parlent du fajr. Des fois tu dis fajr, eux ils parlent du subh. Comme ici, dans ce pays. Dans ce pays, par exemple, si tu dis fajr, pour eux, c'est la salat subh, c'est l'obligatoire. Ils ne veulent pas comprendre que la prière surérogatoire s'appelle aussi salat al-fajr. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Abdelnour, tafadhali. Et il reste Abdelrazzaq, inshallah, et on arrête, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On voit, inshallah, Abdelnour, qu'est-ce qu'elle va nous dire, inshallah ta'ala. Ensuite, Abdelrazzaq. Naam. Tafadhali. J'attends toujours Omar Abdelnour, j'attends inchallah ta'ala ta question. Peut-être qu'elle n'est pas là avec nous, je ne sais pas. Non, elle n'est pas là avec nous. Abdelzak, t'as fait de l'Allah, Abdelzak. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment aujourd'hui on n'a pas vu Qassi Salafa, il n'était pas le premier four. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas de ses habitudes Qassi Salaf de ne pas être le premier. Non. N'avait pas de questions. Non, il en a toujours. Non, Qassi Salaf, il doit avoir des questions. C'est pas possible. Mais Inch'Allah khair. Ah, il t'a dit qu'il n'a pas de questions. Alhamdulillah. Bon. C'est quoi la question? Est-ce qu'on peut réciter le Coran en groupe? Naam, le Coran, est-ce qu'on peut le réciter en groupe? Beaucoup d'ulama ont dit c'est bid'a. Beaucoup d'ulama ont dit quand on récite le Coran en groupe, c'est bid'a. D'abord, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yarfa ba'dukum la tarfa uswatakum bil Quran ou la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Il a interdit aux gens que yani ils lèvent leur voix avec le Coran. Il a dit l'un il lève la voix sa voix sur l'autre. De toute façon, je te dis ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin alayhi rahmatullah, il a joint entre ce qu'ont dit les ulama, entre les dalils. Il a dit si on récite le Coran en groupe pour l'apprendre, on veut apprendre, il a dit ça ce n'est pas une bid'ah. On s'assoit en groupe et on répète tous avec la même la même phrase, on la répète en groupe pour apprendre le Coran, il a dit ce n'est pas bid'ah et ça se fait. Il a dit mais si on lit en groupe, on s'assoit et on commence à en lire tous en groupe comme on fait dans beaucoup de pays, ça s'appelle hizb. Ils s'assoient, ils vont lire un hizb comme en Algérie, au Maroc, beaucoup de pays. Ça il a dit ça c'est bid'ah. Pourquoi? Parce qu'ils le font comme adoration. Alors que nous on a dit ils peuvent le faire pour apprendre comme Wessi là. Hein? C'est une façon. C'est une pour apprendre et ce n'est pas une adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Un moyen, na'am barakallahu fik fawzi. C'est un moyen pour apprendre. Ça se fait. Et si on le fait comme adoration, on va rester en groupe, on va lire le Baqara, ça rentre dans la bida. Salafiya 93 120. تفضل أو تفضلي. Il reste Oum Rihana et Oum Abdel Nour qui s'est réveillé, alhamdoulilah, et qui est revenu. Bon, Oum Rihana, تفضلي. Alaykoum salam, question urgente pour une personne. Est-ce que lorsqu'on fait le wudu et qu'on n'a pas fait aspiration dans le nez, doit-on rattraper salat du Isha Barakallah? Non, on ne rattrape pas. Naam, on n'a pas fait l'aspiration. Pardon, ma soeur, hein? Oum Rihana, je te pose maintenant moi la question. On n'a pas fait l'aspiration dans le nez, c'est-à-dire, elle n'a pas exagéré, elle a fait juste rentrer un peu d'eau, ou là, elle n'a pas fait du tout? Réponds-moi à ma question, Oum Rihana. Elle n'a pas fait l'aspiration du tout. Elle a sauté son nez ou elle a fait juste un peu rentrer sans exagérer. Maintenant, c'est toi, Inch'Allah Ta'ala, qui me réponds. Moi, je pose la question, toi, tu me réponds. Un peu d'eau. Naam, si elle a fait rentrer un peu d'eau, Inch'Allah Ta'ala, khalas, elle a fait le wudu, sa salat et sahiha, son wudu n'était pas très bien terminé. Son wudu, yani, au lieu par exemple d'avoir, je donne un exemple, par exemple au lieu d'avoir 100 hasanat, par exemple elle a eu 40 ou les 50 à cause de ça, elle dit c'est pas grave Inch'Allah Ta'ala. Mais si elle a sauté son nez, elle n'a pas fait du tout, elle n'a rien fait rentrer dans son nez, celle-là elle répète bien sûr, elle doit refaire le wudu et la salat. Mais celle-là puisqu'elle elle a fait rentrer un peu d'eau, elle n'a pas exagéré, son wudu est sahih Inch'Allah, sa salat est sahih Inch'Allah Ta'ala. Naam, sahih Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, Oum Abdel Nour, naam, Oum Abdel Nour, tafadlali. Salam alaikum. Combien de fois un frère peut voir une sœur lors d'une muqabala? Certains disent qu'il peut demander à la sœur de se dévêtir de son voile, qui permet ça comme savant. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Naam. Normalement, le frère a le droit de la voir une fois. La voir une fois. Maintenant, si lors de la première muqabala, il n'a pas bien vu, ou laissé passer des choses, et qu'il demande une deuxième fois, et que ses parents à elle acceptent, ce n'est pas interdit. Si ses parents à elle acceptent une deuxième fois, à cause des raisons, je ne sais pas quelles raisons, Inch'Allah, ce n'est pas interdit, c'est d'après leur accord. De toute façon, il peut faire comme faisaient les salaf, radiyallahu ta'ala anhum, comme faisaient Mu'ad et les autres, il peut y aller la voir sans qu'elle le voie. Il a fait la première muqabala, la deuxième, mais il reste dans la rue, il la voit quand elle va à l'école ou elle va au travail, ou je ne sais pas, il la suit derrière, ensuite il va se mettre en face, ensuite il va se mettre à droite, ensuite il va venir trafiquer, elle ne va pas le reconnaître, ensuite il va venir avec un chapeau, ensuite avec, je ne sais pas ce qu'il va faire, des coups, 1000 coups, pour qu'il la voie de face sans qu'elle le connaisse. Mais, en ce qui concerne, il lui demande de se dévêtir, je ne connais pas quelqu'un des grands ulama qui a dit cela. À part bien sûr Cheikh Ibn Hazm, celui-là il est connu qu'il dit des choses des fois qui yani, il se contredit avec beaucoup de ulama, mais les grands savants ils disent il ne lui est permis qu'il voit d'elle que ce qu'elle montre à ses ce qu'elle montre yani au maharim, il ne peut voir d'elle que son visage. Il ne peut voir d'elle que son visage et ses mains jusqu'au poignet. Voilà ce qu'il peut faire. Il peut envoyer sa mère ou là sa sœur, elle peut voir plus d'elle. Sa sœur ou là sa mère, elle lui dit, je voudrais te voir, yani, comme tu te montres devant tes frères, etc. Ça, sa mère peut demander cela. Mais lui, il ne voit que son visage et ses mains. Je ne sais pas qui des ulama a dit, il voit ses cheveux, etc. Mais comme a dit Ibn Othim et les autres, ça dit c'est interdit. Il n'y a aucun délil, ni dans le Coran, ni dans le Sunna, qui dit qu'il peut voir plus que cela. Ceux qui disent qu'il peut voir plus que cela, à ceux-là on demande, donnez-nous le verset ou bien le hadith. Donnez-nous un verset qui dit que, lorsque l'Azul a parlé de la femme, « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَذَارَ مِنَا وَلَدْرِبْنَ بِخُمُورَهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لآبائهن أو أبنائهن أو بعولتهن أو آباء أبنائهن أو إخوانهن إلى ست نف كرسون ولا ويت. Il y a jamais dans le verset le prétendant, celui qui va demander sa main, qui peut voir quelque chose ici. Allah Azza wa Jalla n'oublie jamais. C'est pour ça que se trompe celui qui va montrer au prétendant, se trompe la sœur, qu'il va lui montrer ses cheveux, il va lui montrer ses jambes. Naam, elle ne lui montre que ce qui est permis, Inch'Allah, Azza wa Jal. Beaucoup de sœurs se font voir sans qu'elles le sachent. Celle qui s'est montrée sans qu'elles le sachent, naam, fiki barakallahu alaykum. Celle qui s'est montrée sans qu'elles le sachent, elle dit, astaghfirullah, je ne savais pas, Allah Azza wa Jal lui pardonne. Mais celle qui sait, elle va se montrer, elle croit que plus en se montrant, il va accepter. Ce n'est pas vrai. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te marie. Peut-être plus tu te caches, Allah Azza wa Jalla va dire, celle-là, je la marie. Voilà, parce qu'elle m'a obéi. C'est moi qui marie. Personne ne peut se marier si Allah Azza wa Jalla ne te marie pas. Donc toi, crains Allah subhanahu wa ta'ala, ne montre que ton visage et ne montre que tes mains, Inch'Allah ta'ala. Si Allah a écrit que tu te maries, il viendra en rompant. Il viendra en rompant pour se marier. Bon, il reste, c'est Umm Abdelnour, naam. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونتلاقاو ان شاء الله تعالى vendredi ونتلاقاو ان شاء الله فيك بارك الله مع عبد النور حياك الله انت ايضا ونتلاقاو ان شاء الله تعالى vendredi pour ان شاء الله le درس de la عقيده ce sera ان شاء الله تعالى le dernier يعني jusqu'à après mon retour ان شاء الله تعالى et demain c'est quoi demain c'est jeudi نعم Peut-être demain, Inch'Allah Ta'ala, peut-être on se rencontre, je ne sais pas où, dans une salle ou là. Peut-être chez quelqu'un ici, les Salafiyas. Les Salafiyas, peut-être qu'on se rencontre chez eux, Inch'Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.